Vous avez l'impression que l'homéopathie donne de bons résultats sur votre chat ? Votre dernière séance de Qigong vous a recentré les chakras ? Préparez-vous au pire. Il y a un sceptique parmi nous. Notre ami Nima est de retour. Nous sommes le mardi 16 décembre 2014. C'est l'épisode 198 et on va parler médecine alternative. Bonsoir et bienvenue. Rapide tour de table. À Poitiers, tout d'abord, on a Nima. Salut Nima, bienvenue. Salut à tous. À Nice, nous avons Julie qui a tout préparé, même si moi je me la pète en faisant l'intro. Salut Julie. Salut. À Paris, on a plein de monde. On a Nicotup, Robin, Boson et on a Pierre Kerner qui vient de s'inviter. Salut tout le monde. Salut. Yo. On a Joanne à Baltimore. Salut Joanne. Salut. On n'a pas d'Irène ce soir. Elle installe des microscopes au Proche-Orient. Par contre, dans les coulisses, on a Pascal qui pédale pour faire tourner la chatroom. Il y a plein de monde. Il y a déjà une très bonne ambiance ce soir. Et Pouillot qui va nous faire de superbes dessins, on espère. Alors, pas de sommaire pour cette émission en mode interview. On démarre tout de suite. Julie, la parole est à toi. Alors, salut Nima. On a déjà eu le plaisir de te recevoir pour discuter des vaccins, comme l'a dit Alan tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais te représenter pour les auditeurs qui nous rejoignent ? Qui es-tu ? Pourquoi tu viens nous parler des médecines alternatives ? Salut Julie. Ouais, donc, moi, je suis l'auteur du blog Shaman Science, qu'on peut trouver en tapant sur Google blog Nima Poitiers, ou ce sera plus simple que de donner l'adresse. Et dans le cadre de mon blog, je traite souvent des sujets tournant autour des médecines alternatives. Et donc, j'ai donné aussi quelques conférences cette année sur les médecines alternatives à Poitiers. Je fais aussi partie du comité de rédaction du magazine Science et Pseudosciences, qui est édité par la FIS. Là. Simplement, je voulais signaler que je n'étais pas très actif, donc je m'excuse auprès de mes camarades afisiens. Donc, je suis bien dans ce comité de rédaction, mais c'est vrai que je ne fais pas grand-chose. Donc, voilà, je voulais simplement quand même le signaler. Ok. Alors écoute, on va essayer de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Et alors, on va commencer par comment savoir si une thérapie est efficace. Ouais, je crois que c'est vraiment la bonne question quand on aborde les thérapies alternatives, parce que finalement, cette efficacité, chacun la comprend de manière différente et du coup, la discussion est difficile quand on parle avec le grand public. Généralement, les gens, quand on parle d'efficacité, ben, tout ce qu'ils ont en tête, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et pour eux, c'est simple. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé une émission, pour préparer cette émission, j'ai regardé une émission de la BBC sur l'acupuncture. Et tu vois, il y avait... c'était un peu une mise en scène, tu sais, ces émissions-là où c'est un personnage, ça fait un peu télé-réalité, qui se met en scène, qui va faire de l'acupuncture, etc. Donc là, il s'agissait d'un médecin, donc quelqu'un qui, a priori, est au fait de la science et des problèmes liés aux médecines alternatives. Et donc, il était au départ assez sceptique sur l'acupuncture, puisqu'il testait l'acupuncture dans cette émission. Et donc, la séquence dure 10 minutes. Et au début, on voit ce médecin jeune, beau, sportif, qui dit « voilà, j'ai un problème au genou ». Et puis, il est dans un stade et puis il essaie de monter des marches dans le stade. Il monte une quarantaine de marches, puis il s'arrête en disant « j'ai mal ». Et puis, il dit « bon, ben, maintenant, j'ai entendu dire que l'acupuncture, c'était efficace. Donc, je vais aller voir pour la douleur. Donc, je vais aller voir un acupuncteur. » Donc, il va faire une séance d'acupuncture. Il en fait 4, 5, 6 comme ça. Et il va remonter les escaliers dans son stade. Et puis là, miracle, il monte jusqu'en haut sans problème, sans avoir mal du tout. Et donc, qu'est-ce qu'il conclut dans son émission ? BBC quand même, donc c'est quelque chose de sérieux. Il dit « vous voyez, j'étais sceptique sur l'acupuncture. J'ai essayé et ça marche. » Donc, faites pareil, soyez ouverts d'esprit, essayez, regardez si ça marche ou non. Tu dis, c'est un médecin ? Oui, c'est un médecin, ouais. Donc, c'est à la télé, hein, donc c'est toujours un peu mis en scène. Il y a du rythme dans l'émission, etc. Je pourrais mettre le lien dans la chatroom. Donc, je crois que les gens, voilà, quand ils voient une émission même à la BBC, tu vois, quelque chose de sérieux, et qu'ils voient des choses comme ça, bah, ils se disent... Oui, l'efficacité d'un médicament ou d'une thérapie, c'est pas compliqué. On essaye, puis on voit si ça marche ou non. Sauf qu'en fait, scientifiquement, on sait qu'il y a plein de problèmes quand on réagit comme ça. Si on a inventé une méthodologie scientifique pour tester cette efficacité, c'est parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient qu'on pouvait se tromper. Par exemple, dans le cas de ce médecin qui monte les escaliers, peut-être que le jour J où il a commencé à monter avant l'acupuncture, peut-être qu'il était particulièrement en mauvaise forme et qu'il n'a pas pu monter les marches. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec l'acupuncture, mais simplement le fait qu'il a attendu 2-3 semaines avant de remonter ce stade, qui lui a permis de monter jusqu'en haut. Et peut-être qu'il serait monté même si il n'avait pas suivi cette séance d'acupuncture. Donc ce lien de cause à effet, tu vois, entre j'ai fait l'acupuncture et je vais mieux, eh ben il faut le démontrer scientifiquement. C'est pas si simple en fait. Il y a plein de choses qui peuvent faire que ce lien ne soit pas réel. Par exemple, parfois on va mieux sans rien faire. Tu vois, moi une fois j'avais une douleur à la jambe parce que j'avais beaucoup marché pendant la journée. Et puis, il se trouve que le soir, j'avais très mal à la jambe. Et là, je ne pouvais quasiment plus marcher. J'étais vraiment bloqué. Donc, si j'avais vu un médecin, un homéopathe, un acupuncteur, etc., et que le lendemain, je retrouvais ma forme, je l'aurais directement accrédité au fait d'avoir vu le médecin, l'homéopathe ou l'acupuncteur ou n'importe quelle autre forme de thérapie. Et bien, il se trouve que ce soir-là, je n'ai rien fait. Je suis juste allé me coucher et puis j'allais mieux le lendemain. Donc, je n'ai pas fait ce relation de cause à effet. Donc, rien que le cours normal de la maladie, parfois, on peut guérir sans rien faire. Et donc, savoir si c'est le cours normal de la maladie ou c'est l'action due au thérapeute, eh ben, pour ça, on fait ce qu'on appelle des essais cliniques, finalement. On compare. En science, on essaye d'isoler et de comparer. Et donc, généralement, on compare par rapport à quoi ? On compare ce qu'on appelle un placebo. Donc, dans le cas peut-être plus facile d'un médicament, on va comparer un médicament avec un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au médicament, mais qui ne contient aucun ingrédient actif, qui contient, généralement, c'est une pilule de sucre. Et quand on fait ça, ça nous permet de virer plein de biais qui pourraient apparaître naturellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, par les biais ? Ça peut être le fait de ce qu'on appelle l'effet Hawthorn. C'est un nom anglais, Hawthorn. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, je ne sais même pas trop comment ça se dit en français. J'ai dû le lire sur ton blog, en fait, je pense. Ouais, c'est possible. Quelqu'un qui avait une industrie, donc qui s'appelait Hawthorn au XXe siècle, c'est un exemple un peu classique, historique, qui est un peu connu. Et il a commencé à observer les ouvriers et puis s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on met plus de lumière ? Est-ce que mes ouvriers vont être plus productifs ? Alors, il met plus de lumière et puis il se rend compte que les ouvriers sont plus productifs. Après, il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si maintenant je baisse la lumière ? Est-ce qu'ils vont être moins productifs ? Il baisse la lumière, il observe les ouvriers, il se rend compte qu'ils sont toujours aussi productifs. Et là, il commence à se poser des questions. Il dit, finalement, si j'augmente la lumière ou si je baisse la lumière, j'ai toujours la même productivité, j'ai une productivité supplémentaire de mes ouvriers. Et ça, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence scientifiquement, c'est que quand on est observé, quand on sait qu'on est suivi par un médecin ou quand on est dans le cadre d'un essai clinique, généralement, on va avoir un comportement qui est plus sain, entre guillemets. Alors là, dans le cas des ouvriers, un comportement plus sain, être plus productif, ça va faire crier des gauchistes s'il y en a dans la salle, dont je fais partie d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on a pu mettre en évidence. Quand on suit des gens pendant une certaine période, ils se comportent différemment que quand ils ne sont pas suivis. Donc les gens, par exemple, qui ont des régimes, ça se voit beaucoup dans les régimes, quand on se lance dans un régime et qu'on sait qu'il y a un médecin qui nous suit régulièrement, on va peut-être plus faire attention à ce qu'on va manger, on va essayer de faire plus de sport, on va avoir un comportement qui va différer de ce qu'on fait habituellement. Il y a d'autres phénomènes de ce type-là. Il y a ce qu'on appelle le « je veux plaire », en fait. Le terme placebo vient de « je veux plaire ». Et cet effet « je veux plaire », c'est pas un effet... c'est un truc que j'invente là sur le coup, mais c'est simplement le vouloir faire plaisir à son thérapeute. C'est très connu aussi, ça a été mis en évidence scientifiquement par de nombreuses études. Quand on va voir un médecin, on aura tendance à aller dans son sens. Et s'il pense que la thérapie est efficace, on va avoir tendance à lui faire plaisir, à lui montrer que c'est efficace, surtout s'il est très, très enthousiaste. Pareil, si un médecin, ça marche des deux côtés, ça marche du côté du patient, mais ça marche aussi du côté du médecin. Donc si le médecin aussi est très enthousiaste par rapport à un médicament, il va avoir tendance à trouver des signes de cette efficacité. Donc si le patient dit ça m'a pas permis d'aller mieux à la tête mais j'ai moins mal à la jambe, il va oublier qu'il traitait peut-être la tête et il va dire c'est tellement efficace que ça soigne même la jambe. Donc il aura un comportement aussi différent quand il sait qu'il est dans un essai clinique et quand il est suivi de manière surveillée. Alors, je parle beaucoup d'essais cliniques, mais je crois que du coup, j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était. Un essai clinique, c'est simplement, on prend deux groupes de personnes un groupe dans lequel on donne un médicament qui est censé les guérir, et un groupe dans lequel on donne donc ce fameux placebo, une pilule de sucre qui est censée rien faire. Et au bout d'un moment, on compare les gens qui vont mieux dans un groupe ou dans un autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un essai clinique. Et généralement, il y a plusieurs formes d'essais cliniques. Donc, il y a des essais cliniques qu'on appelle randomisés en double aveugle. Il y a des essais cliniques qu'on appelle parfois des études rétrospectives, des cohortes, des études de cohortes ou des études de cas témoins. Enfin, il y a différentes manières de mettre en évidence cette efficacité. Mais l'idée est toujours la même. L'idée est toujours d'éliminer tous les biais possibles, en fait. D'être sûr qu'il y a une relation de cause à effet. Parce que c'est pas si simple que ça de mettre en évidence une relation de cause à effet. Et donc, il y a une espèce de hiérarchie, tu vois, en science. Ça aussi, les gens, ils ne savent pas beaucoup, mais dans la preuve scientifique de l'efficacité, il y a une espèce de hiérarchie. Il y a des preuves qui sont plus convaincantes que d'autres parce qu'elles sont plus rigoureuses. Donc, il y a une méthodologie à suivre. Et donc, dans la preuve la plus rigoureuse qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les essais en double aveugle randomisé. Ça, je crois que c'est bien de voir un peu ce que c'est. Donc, pourquoi en double aveugle? C'est l'effet de « je veux plaire ». Donc, si ni le patient ni le médecin ne savent si le médicament donné est soit un placebo, soit le vrai médicament, on élimine un peu cet effet « je veux plaire », tu vois. Parce que le patient ne peut pas savoir si c'est le vrai médicament, le médecin ne sait pas si c'est le vrai médicament, donc il n'aura pas forcément tendance peut-être à exagérer le côté bénéfique ou à, au contraire, faire comme si c'était moins bénéfique parce qu'il sait que c'est un placebo. Donc le côté double aveugle sert particulièrement à ça, et c'est très important en médecine d'essayer d'avoir des essais cliniques en double aveugle. Le côté randomisé, c'est très simple. Nicolas Gauvry, un ami à moi qui a écrit un livre, qui a écrit un livre sur les surdoués, il en parle très bien. Il y a un effet d'un problème d'échantillonnage. Donc pourquoi on randomise? Donc randomiser, ça veut dire tout simplement, je vais revenir au livre de Nicolas sur les surdoués. Mais randomiser, ça veut tout simplement dire qu'on va prendre au hasard des personnes. On va pas prendre, par exemple, si on prend que des gens qui ont 90 ans, on a des chances, malheureusement, qu'il y en ait beaucoup qui meurent, quel que soit le traitement, parce qu'ils sont âgés. Si on prend que des gens qui sont des hommes, on va peut-être rater des choses qui peuvent apparaître sur des femmes. Donc, randomiser, c'est essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose, que les deux groupes se ressemblent au mieux. Le groupe placebo et le groupe qui prend le vrai médicament. Et donc je reviens au problème des surdoués, là je dérive un peu, mais dans son livre, Nicolas Gauvry, il explique bien ça, c'est que quand on a un cabinet, quand on est psychologue, lorsqu'on a un cabinet, on va généralement recevoir des surdoués qui ont un problème scolaire, par exemple. Et donc on va avoir l'impression que tous les surdoués ont des problèmes scolaires. Donc ça, c'est le problème de l'échantillonnage, c'est-à-dire il faut vraiment arriver à prendre un échantillonnage au hasard dans la population pour qu'on élimine des biais qui viendraient du fait qu'on ait sélectionné certaines personnes qui ont des caractéristiques particulières. Donc vraiment essayer d'avoir deux groupes qui sont composés de manière aussi égale et que la seule différence entre les deux groupes soit le médicament qui est administré. Mm-hmm. Et quand on fait ça, on fait un essai en double aveugle. Et donc généralement, c'est comme ça qu'on met en évidence l'efficacité d'une thérapie. Ça, le témoignage qu'on fait appel, c'est-à-dire je prends une pilule, je vais mieux, ou par exemple je me suis fait soigner mon asthme ou mon allergie grâce à l'homéopathie, on entend souvent des choses comme ça. Ça, c'est pas valide en science. C'est pas un argument de poids. Parce qu'on sait que l'expérience de la vie de tous les jours, elle n'est pas suffisante et qu'il y a plein de biais qui font qu'elle peut nous tromper. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a une hiérarchie des preuves qu'il faut garder en tête en science. Et que dans cette hiérarchie d'épreuves, l'essai en double aveugle, randomisé, est très important, mais que ça ne suffit pas non plus. Ce qu'on fait généralement, parce qu'en médecine et pour le corps humain, on a finalement des phénomènes très complexes. Et pour avoir une efficacité, ce n'est pas j'appuie sur un bouton et puis ça marche. Quoi. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des fois où il y a une certaine efficacité, d'autres fois l'efficacité est un peu moindre. Même quand on prend un aspirine, des fois ça va être très efficace, des fois ça va être un peu moins efficace. Donc en médecine, voilà. Comme ça ne marche pas à tous les coups, on fait plusieurs essais cliniques, on n'en fait pas qu'un. Et quand on a plein d'essais cliniques, au bout d'un moment, on fait une méta-analyse, qu'on appelle une méta-analyse. Donc c'est une forme encore plus importante de la preuve. C'est-à-dire si la méta-analyse montre qu'en général, le médicament fait mieux que le placebo, on a une bonne idée. C'est un argument de poids pour dire que le médicament, la thérapie est efficace. On a aussi ce qu'on appelle, donc il y a cette méta-analyse, donc de prendre toutes les essais cliniques qui ont été faites, d'évaluer la méthodologie qui a été utilisée, si elle est bien faite ou non, scientifiquement, Et puis voilà, on fait une grande analyse de toutes ces données, puis on regarde s'il y a une efficacité globale ou non. Et ça, on retrouve aussi sur ce qu'on appelle les revues systématiques. C'est pareil, on regarde l'ensemble des articles qui ont été publiés dans un domaine, suivant certains critères d'éligibilité méthodologique. Et on regarde au final si cette thérapie est efficace ou non. Ben, il se trouve que quand on aborde les médecines alternatives, la plupart du temps, quand on fait des méta-analyses de ce type-là, l'efficacité, elle est soit très minime, soit inexistante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas mieux que le placebo. Voilà, je crois que c'est important, en tout cas, d'avoir en tête que l'expérience personnelle n'est pas suffisante pour évaluer l'efficacité. Donc, contrairement à ce que vous pouvez voir dans les reportages télé, c'est pas comme ça qu'on évalue l'efficacité de l'examen. Qu'il y a une hiérarchie de la preuve en science et que cette hiérarchie, elle culmine sur ce qu'on appelle les méta-analyses et puis les revues systématiques. Et que généralement, une bonne étude, un bon essai clinique, c'est quelque chose qui a été randomisé en double aveugle. Je crois que là, si on part de ça déjà, on a une bonne base pour comprendre le problème des médecines alternatives. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on a parlé de l'efficacité de la thérapie. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous donner une définition d'une médecine ? Alors là, je crois que j'ai dû mettre ça quelque part, mais c'est difficile une définition d'une médecine. Peut-être c'est plus facile, on pourrait donner une définition de ce que c'est une médecine alternative. Finalement, rien que dans le nom, une médecine alternative, c'est quelque chose qui n'a pas fait ses preuves scientifiquement. C'est déjà un peu biaisé ce que je dis, donc ça veut dire que toutes les médecines alternatives, elles sont peut-être à rejeter, mais ça dépend. Il y en a certaines qui ont été évaluées, d'autres qui n'ont pas été évaluées, donc ça peut encore se discuter. Depuis une cinquantaine d'années, finalement, la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Donc, basée sur les preuves, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait effectivement des études scientifiques et qu'on a essayé de mettre en évidence un effet au-delà du placebo. C'est toujours pareil, c'est quand on parle de médecine qui est basée sur les preuves, c'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves au-delà d'un effet placebo. Alors ça pose aussi des problèmes, parce que la médecine basée sur les preuves met vraiment en avant ce qu'on appelle les méta-analyses et puis les études en double aveugle. Le problème, c'est qu'en médecine, il y a aussi il y a deux phénomènes qui jouent finalement. Il y a ce qu'on appelle le mécanisme, qui explique pourquoi la thérapie fonctionne. Et puis après, il y a les effets de la thérapie. Donc, il y a vraiment deux choses qui jouent. Donc, généralement, les gens pensent qu'on rejette les médecines alternatives parce qu'il n'y a pas de mécanisme scientifiquement valide. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est même plutôt l'inverse. Le mécanisme n'est pas souvent pris en compte dans l'évaluation des médecines alternatives. C'est plutôt les essais cliniques qui nous permettent de dire si ça ne marche pas ou non. Mais ça peut amener des problèmes quand on travaille que sur les médecines basées sur les preuves, c'est qu'il y a une forme de plausibilité à ce qu'on fait qui est importante à prendre en compte. Par exemple, si on regarde les médecines dites énergétiques, par exemple comme le Reiki, où on suppose qu'il y a une énergie qui existe dans le corps humain, qui peut être régulée par un mouvement des mains, et quand on régule cette énergie, le corps va s'auto-guérir. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Alors, non seulement, quand on fait des essais en double aveugle, on n'arrive pas à en mettre en évidence une certaine efficacité, mais en plus, ça n'a pas de sens scientifiquement, une telle hypothèse, de bouger les mains dans le vide comme ça, et de supposer une énergie qui n'a jamais été démontrée. Donc, il y a une plausibilité qui est quasiment nulle pour prendre l'exemple du Reiki. Il y a ce qu'on appelle, est-ce que cette thérapie est plausible ? Non, quasiment pas. Et donc, si on a une plausibilité qui est proche de zéro, et en plus, on n'observe aucun effet quand on fait les essais cliniques, à un moment donné, on se dit, ça, c'est à rejeter. Et souvent, on se base beaucoup sur les essais cliniques, on ne prend pas très bien en compte, justement, cette notion de plausibilité. Et donc, Excuse-moi de t'interrompre, mais il y a aussi beaucoup de médicaments reconnus qui sont juste basés, dont on ne comprend pas forcément bien le fonctionnement, mais qui ont des essais cliniques suffisamment satisfaisants pour qu'ils soient introduits, bien qu'on ne comprenne pas le fonctionnement, non ? Oui, c'est exactement ce que je voulais te demander. Oui. Et il me semblait l'avoir dit au début, mais peut-être que ce n'était pas assez clair. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a deux choses. Il y a d'abord le mécanisme et est-ce qu'il y a une efficacité ou non. C'est deux choses finalement séparées, mais qui peuvent travailler ensemble. C'est-à-dire, parfois, on ne connaît pas le mécanisme, mais si on observe des essais cliniques, alors ça valide le médicament. Parfois, on connaît le mécanisme, mais on n'observe pas les essais cliniques. Donc là, on peut peut-être chercher à voir quel est le problème. Est-ce que il y a des effets complexes qui s'annulent et qui font que ça ne marche pas, alors qu'on pensait que ça marche. Ou alors, quand ni le mécanisme ne sont connus, ou en tout cas crédibles, et ni les essais cliniques, là, on peut conclure au rejet, finalement, de cette thérapie. Et bien souvent, dans la médecine basée sur les preuves, la conclusion qu'on observe, c'est il faut faire plus de recherches, il faut faire plus d'études. Par exemple, si on prend le cas de l'oscillococcinome, donc il y a des méta-analyses qui ont été faites sur l'oscillococcinome. Donc, l'oscillococcinome, c'est ce médicament homéopathique là qui est préconisé contre les états grippaux. Il se trouve que même des méta-analyses très sérieuses faites par un groupe qui s'appelle le groupe Cochrane. Donc, c'est un groupe très connu, très réputé dans le monde qui fait des méta-analyses, donc qui a une très grande crédibilité. On se réfère toujours au groupe Cochrane pour valider ou non une thérapie. Et ben, il se trouve que sur un cas comme l'oscillococcinome, il conclut en disant les preuves de l'efficacité de l'oscillococcinome sont quasi nulles, mais il faudrait plus d'études. Alors que la manière dont l'oscillococcinome est fait et le mécanisme qui est imaginé pour avoir un certain effet, enfin, là, on est vraiment au niveau zéro. C'est-à-dire qu'on n'a aucune chance que ça marche. Et je pense que c'est là le problème qui peut se poser. Donc oui, mécanisme, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Les essais cliniques sont encore plus importants, mais parfois, allier les deux, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Et c'est ce qu'on appelle, généralement, il y a un groupe aux États-Unis qui fait du lobbying, entre guillemets, pour cette idée. Ils appellent ça la médecine basée sur la science, et pas seulement médecine basée sur les preuves, pour justement faire la différence entre les deux. Ok. Alors, t'en as déjà un petit peu parlé dans ton intro sur une thérapie est efficace, mais ce serait peut-être intéressant de revenir un peu sur la notion de ça marche pour moi, donc ça marche. Ouais, c'est ce qu'on entend généralement quand on parle auprès du grand public. Donc moi j'ai des amis qui sont allés voir des magnétiseurs guérisseurs, ils me disent je ressens vraiment quelque chose quand je vais les voir, je ressens une énergie, je ressens une chaleur dans mon corps, parfois les gens pleurent, parfois des gens ont des émotions fortes qui surviennent à ce moment-là. Quand ça se passe et quand on a affaire à quelqu'un qui témoigne de cette manière-là, c'est très difficile de les convaincre parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes, qu'ils ont expérimenté. Mmh. Et donc, venir dire derrière « Ah ben non, mais scientifiquement, on n'observe rien », ça ne les touche pas finalement. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont vécu, qu'ils ont ressenti, comme si quand on tient une feuille dans la main finalement. Donc c'est très fort. Et pour ça, il faut comprendre tous les biais dont je parlais au début, il y en a d'autres bien sûr, il faut comprendre pourquoi on a mis une méthodologie scientifique, pourquoi on s'est fait, il y a certaines thérapies qui ont duré pendant des siècles alors qu'elles faisaient plus de mal que de bien par exemple. On reviendra souvent sur cet exemple, mais l'exemple de la saignée est très classique. On a eu un long dossier d'Irène la semaine dernière sur la saignée. ouais, donc pendant des siècles, on a pratiqué la saignée alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques actuelles, qu'elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Et donc, pour arriver à prendre du recul par rapport à cette expérience personnelle et par rapport à ce qu'on vit, il faut être quelque part sensibilisé à la méthodologie scientifique. Et donc, il faut des émissions de télé où on ne montre pas un médecin qui dit « je vais tester l'acupuncture et puis je grimpe quelques marches et puis avec l'acupuncture, je grimpe 50 marches ». Il faut des émissions de télé où on dit pour tester l'acupuncture, on va faire un essai en double aveugle. Et pourquoi on fait du double aveugle? Pourquoi on fait un essai randomisé? Comment ça marche? Il faut des émissions comme ça. Et il se trouve en fait que ça existe. Hein, par exemple, sur le cas de l'homéopathie, il y a une émission qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a testé, c'était pendant la période où on parlait de la mémoire de l'eau et de l'expérience de Benveniste. Donc Benveniste, c'était un scientifique assez réputé d'ailleurs, qui à la fin dans les années 1980 a publié un article qui prétendait avoir démontré ce qu'on a appelé après la mémoire de l'eau, donc que l'eau aurait une mémoire qui garderait l'effet thérapeutique serait gardé en mémoire dans l'eau qui serait redonnée sous forme homéopathique à la personne. Eh ben, il se trouve qu'il y a une émission qui a testé, qui a refait l'expérience de Benveniste pour voir si son expérience était valide ou non. Alors, comment ça marchait son expérience? En fait, il avait des allergènes, des composants enfin, qui réagissent à des produits, à des allergènes, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et il diluait son composé où il y avait des allergènes, il le dilue de manière très importante jusqu'à ce que ces allergènes ne soient plus présents. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dilution, hein, c'est... on a notre vase, on prend un peu de cette vase, on en met dans une autre vase où il n'y a que de l'eau, on mélange le tout, on refait ce procédé des centaines et des centaines de fois. Et au bout d'un moment, on a dilué tellement que la solution originelle ne se retrouve plus dans la dernière solution, donc il ne reste plus que de l'eau. Et donc, dans cette solution finale, on met un composé qui est censé réagir à l'allergène. Et donc, comme il n'y a plus que de l'eau, on s'attend à ce qu'il n'y ait rien qui se passe. Il se trouve que dans les expériences de Benveniste, il observait quelque chose, même après des dilutions extrêmement grandes. Donc, il y a une émission télé qui a testé cette expérience, toujours à la BBC, une émission anglaise. Et il y avait un prix de 1 million si l'expérience était une réussite. Alors, c'était quoi ce prix de 1 million? Il se trouve que la communauté sceptique aux États-Unis un magicien qui s'appelle James Randi qui a fait beaucoup de bruit en proposant 1 million de dollars à celui qui arriverait à prouver quelque chose d'extraordinaire, hors scientifique, hors du champ de connaissances aujourd'hui, ou paranormal. L'expérience de Benveniste était de cet ordre-là parce que qu'il y ait une réaction alors qu'il n'y a que de l'eau et qu'il n'y a plus de molécules allergènes dedans, c'est quelque chose qui défie les connaissances chimiques actuelles. En fait. Donc l'expérience a échoué, le prix n'a pas été gagné. Mais voilà, je pense qu'il faut des émissions comme ça pour que les gens se rendent compte que l'expérience personnelle n'est pas suffisante. Juste pour rentrer dans le gras, là, quand tu parlais de grandes dilutions, surtout dans ce cas-là, et puis c'est souvent le cas en homéopathie, c'est des dilutions qui sont tellement grandes que ce qu'en dit la science, c'est qu'il ne resterait même pas une molécule statistiquement dans les échantillons. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut le dire parce que ce n'est pas si connu que ça. Quand vous achetez des produits homéopathiques, les produits sont tellement dilués que vous n'avez soit que du sucre, soit que de l'eau. Et ce que je dis là, les homéopathes ne le rejettent pas. Je veux dire, ils sont conscients du fait, parce que de toute façon, c'est démontré scientifiquement. Et donc, un homéopathe est incapable de faire la différence entre deux produits homéopathiques. C'est-à-dire, s'il vous donne de l'oxyacocinium ou s'il vous donne de l'arnica, je ne sais pas quoi, ou un autre produit homéopathique, si on mélange les billes de sucre, les billes qu'il y a dedans, il est incapable de faire la différence. Et scientifiquement, on est incapable de faire la différence entre les trois pilules. Enfin, les différentes pilules dans les différentes boîtes. Et c'est pareil pour les produits homéopathiques qui sont sous forme liquide. Il n'y a rien dedans. Pour donner une image, donc c'est les fameux CH. Ça veut dire dilution par 100. Donc c'est quand on fait une dilution par 100, c'est comme si on prenait une goutte et qu'on la mettait dans... on prend une goutte du solution, de la solution mère, du produit initial, et on rajoute 99 gouttes dedans d'eau. Ça fait une dilution au centième. On refait ce procédé-là encore une fois. Donc la première fois, ce sera du 1CH, la deuxième fois, ce sera du 2CH, etc. Et on peut monter ainsi jusqu'à 12, 15, 30CH, même 200CH dans le cas de cilocoxinum. Et du coup, ça paraît pas important comme dilution comme ça, mais il faut se rendre compte que c'est extrêmement important. C'est comme si, même à 12CH, c'est comme si vous mettiez, c'est pire que si vous alliez, imaginez vous êtes dans le nord, là, à Calais, là, vous prenez une solution mère d'arnica ou je sais pas quoi, vous le jetez dans la mer, là, et vous prenez l'avion, vous allez au Japon, vous allez au bord de la mer et vous prenez un peu d'eau, ce sera, je crois, moins dilué que du 30CH, par exemple. Ce sera beaucoup moins dilué que du 30CH. C'est tellement important que c'est assez inimaginable. J'ai noté un exemple plus précis. 5CH, c'est comme si on jetait un verre de bière dans 1000 piscines olympiques. Donc voilà, vous prenez un verre de bière, vous imaginez l'étendue que ça prend 1000 piscines olympiques, vous jetez un verre de bière. Alors, maintenant. Je vais intervenir, mais pourquoi jeter un verre de bière? Merci Topo. Ça, c'était quoi? Tu disais, Cham, c'est 5CH, c'est ça? 5CH, ça, ouais. Ça, c'est 5CH. Donc, c'est, ça va très vite, en fait. Quand je dis une goutte dans 99 gouttes, ça fait un centième, ça paraît l'air de rien, mais ça monte très vite. J'oserais même dire, pour une fois qu'on peut vraiment le dire, c'est exponentiel, quoi. Ouais. J'ai pas osé. Et j'allais dire, oui, et du coup, c'est pour ça que je repasse dessus, c'est que donc, ce que tu appelles grande dilution, non seulement c'est ça, et comme en plus le monde n'est pas parfait, en fait ça fait que ce qui constitue ces bases homéopathiques sont des choses où la plupart des constituants ne sont pas le constituant mère, c'est plutôt tout le reste, les impuretés qu'il y avait déjà dans le liquide de dilution. En tout cas, scientifiquement, après, sur les histoires de mémoire de l'eau et compagnie, où il n'y a pas de preuves aujourd'hui, c'est autre chose. Ouais, alors sur la mémoire de l'eau aussi, je crois que les gens confondent beaucoup. C'est deux problèmes séparés, en fait. On a un problème de la mémoire de l'eau qui serait un mécanisme potentiel pour l'homéopathie, et puis on a un problème de l'efficacité de l'homéopathie. Je crois que c'est deux choses séparées. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'un va valider l'autre ou que l'autre va valider l'un. Je vais essayer d'être clair. Si on arrive à montrer que l'eau a une mémoire, par exemple, ça ne validera pas pour autant l'homéopathie. Pourquoi ? Parce que les essais cliniques aujourd'hui ne montrent pas d'efficacité de l'homéopathie au-delà d'un effet placebo. Donc, même s'il y a un mécanisme possible, même s'il y a une mémoire qui serait découverte, bah, ça n'enlève rien que quand on fait un essai clinique et qu'on donne une pilule de sucre à un groupe de personnes et une pilule d'homéopathie à un autre groupe de personnes, dans l'ensemble, il y a autant de gens qui vont bien d'un côté que de l'autre, grosso modo, pour faire simplifier. Voilà, je crois qu'il faut que ça soit clair. La mémoire de l'eau, c'est un problème déconnecté avec l'efficacité de l'homéopathie ou la validation de l'homéopathie comme une thérapie. Et, inversement, du coup, si on prouve que ça a une efficacité, l'homéopathie, ça ne voudra pas dire qu'on saura l'expliquer. C'est ce que exactement. Tu voulais dire. Ça ne voudra pas dire que la mémoire de l'eau est validée comme théorie. Voilà, pour la mémoire de l'eau, eh ben, il faut des expériences concluantes qui arrivent à convaincre la communauté scientifique. Il y a eu récemment, sur Arte, un documentaire sur la mémoire de l'eau, d'ailleurs, avec Montagnier qui se pose comme quelqu'un qui n'a pas été compris, qui n'est pas écouté, qui a fait... Pour lui, ses recherches sont extraordinaires et ça vaut un autre prix Nobel. Mais en fait, quand on se penche un peu sur les travaux de Montagnier, on se rend compte qu'il n'a publié pour l'instant que deux articles sur cette notion de mémoire de l'eau. Et ces deux articles ont été publiés en 2009, à moins que je me trompe, hein, mais j'ai quand même assez bien regardé tout ce que j'ai vu. Donc il a publié ça dans des journaux à comité de lecture, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Mais le problème, c'est que le journal en question, c'est un journal très peu réputé, et en plus, il est dans le comité éditorial du journal, donc ça enlève un peu de crédibilité à l'argument. Et il y a aussi des choses très bizarres, donc encore une fois, il y a une notion de plausibilité, donc son expérimentation, les résultats de son expérience sont tellement incroyables que ça paraît très peu plausible. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça paraît très peu plausible. Donc la communauté sceptique utilise toujours une phrase, disent « quand on affirme quelque chose d'extraordinaire, il faut aussi des preuves extraordinaires. Donc, je ne sais pas, si j'affirme que le monstre du Loch Ness existe, pour arriver à convaincre la communauté scientifique qu'il existe, il me faudra plus qu'une photo brouillée, pixelisée, où on voit une vague forme dans un lac qui ressemblerait à un monstre du Loch Ness. Il me faut beaucoup plus que ça, il faut des preuves beaucoup plus convaincantes que ça. Ben, c'est le même problème pour la mémoire de l'eau. C'est-à-dire quand on a quelque chose qui apparaît, qui défie les connaissances scientifiques du moment, notamment comment fonctionne la chimie et la physique aujourd'hui, eh ben, il faut des preuves beaucoup plus importantes. Alors, juste sur l'expérience de Montagnier, c'est assez surprenant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il il prend l'ADN de si j'ai bien compris, hein, parce que c'est assez compliqué à comprendre. Il prend l'ADN de bactéries qui sont pathogènes pour les humains. Et cet ADN, il va diluer. Ce tube où il y a de l'ADN de bactéries. Il va diluer. Et donc, quand il dilue, et il arrive, il montre par ses expériences, ou il pense avoir trouvé par cette expérience, que quand on dilue, il y a une onde électromagnétique qui existe de basse fréquence, qui serait en quelque sorte la carte d'identité de l'ADN de la bactérie qui n'est plus là, du coup, parce qu'on a tellement dilué que la bactérie n'est plus là. Et donc déjà, ça, c'est une notion assez nouvelle et qui n'existe pas aujourd'hui. Et en plus, il arrive à montrer que quand on met des enzymes pour recréer, il y a une méthode qui est connue en science, et on rajoute des enzymes pour recréer une ADN. Quand on a un brin d'ADN, on peut recréer, multiplier cet ADN ou augmenter en rajoutant des enzymes. Donc il fait ça, il rajoute. Donc il a deux tubes, il a un tube qu'il a dilué avec sa bactérie et ses, son ADN dedans, l'ADN de la bactérie. Il met un autre tube à côté où il n'y a que de l'eau. Dans cette eau, il met de l'enzyme. Et dans cette eau, il retrouve la bactérie qui est dans le premier tube. Donc il y a une espèce de transmission, de télépathie même, de l'ADN d'un tube à l'autre. Déjà dans le premier, ça a été dilué, donc il n'existe pas, mais il dit qu'il y a une onde électromagnétique qui est là. Et dans l'autre tube, eh ben, il va retrouver l'ADN en mettant des enzymes, alors que normalement, il n'y a que de l'eau dedans, donc on ne devrait pas retrouver. Donc, l'ADN serait passé d'un tube à l'autre, donc il y aurait une forme de télépathie, finalement. Et donc, ça devient quelque chose d'assez extraordinaire, et il faut des preuves très convaincantes, parce que la plupart des gens disent que c'est très fort probable qu'il y ait eu une contamination, par exemple. Peut-être que ce qu'il a fait, son expérience, n'est peut-être pas... ses résultats sont peut-être pas fausses, mais peut-être que dans le protocole, il n'a pas fait attention, et puis il y a une contamination qui a fait qu'on retrouve des brins d'ADN dans le tube où où il est censé avoir que de l'eau, par exemple. Donc il y a beaucoup de critiques sur ses travaux, et pour l'instant, il n'a pas convaincu la communauté scientifique. Ok, voilà. Je te propose qu'on revienne sur les médecines alternatives. On pourra, tu reviens quand tu veux pour nous parler de notre ami Montagnier. Ouais. On a eu un commentaire dans la chatroom tout à l'heure quand tu parlais de dosage, quand tu donnais l'exemple des piscines olympiques. C'est Hallucigenia qui nous disait qu'à environ 12 CH de mémoire, c'est la limite du nombre d'Avogadro. Pardon. Oui. Donc les molécules sont insécables, donc il n'y a plus rien. Oui, c'est-à-dire que statistiquement, on n'a plus aucune chance de trouver les molécules de départ dans la solution finale. Mais l'homéopathie, c'est même pire que ça, parce que comment on sait quel produit va permettre de guérir, en fait. Il y a des lois en homéopathie, donc il y a ce qu'on appelle la loi de similitude, c'est-à-dire au départ, Hahnemann, c'est celui qui a inventé l'homéopathie, donc comment il est arrivé à cette idée, et comment il a trouvé cette loi de similitude, il a commencé à expérimenter sur lui-même, il a pris ce qu'on appelle l'écorce de la... d'une plante qui s'appelle la quinquina, je ne sais pas si ça se prononce comme ça exactement. C'est une plante qui contient de la quinine et qui était utilisée pour soigner la malaria à l'époque. Donc il prend de l'écorce, lui-même se trouve sain, et il prend de l'écorce de quinquina. Et au bout d'un moment, il se trouve malade, il a pas mal de fièvre, et puis il a des symptômes qui, selon lui, ressemblent aux gens qui ont la malaria, qui ont la maladie, qui ont la malaria. Et donc il se dit, tiens, ce qui me rend malade parce que moi je suis sain pourrait peut-être soigner les gens qui sont malades. Donc c'est le principe de similitude, c'est-à-dire ce que moi je vais prendre et qui va me rendre malade parce que je suis une personne saine va peut-être guérir des gens qui sont malades de la malaria. Il se trouve que la quinine soigne les gens de la malaria, donc c'était pas une si mauvaise idée de leur donner de la quinine. Mais c'est parti de ça. Et après, il a fait des expériences de ce type-là. Donc, il a testé avec plein de produits. Il a testé avec des produits minéraux. Il a testé avec des produits aussi dangereux, de l'arsenic. Il en a pris sur lui-même. Et il a regardé les symptômes qu'il avait quand il en prenait. Et puis, il s'est dit, ces symptômes correspondent à telle maladie. Donc, ce produit-là va permettre de guérir les gens qui sont malades de cette maladie. Et c'est un principe qu'on retrouve quasiment dans toutes les médecines alternatives. C'est ce côté... je découvre quelque chose. Il y a une personne, un fondateur qui découvre par l'expérience, par quelque chose qu'il a expérimenté, et puis il en fait toute une théorie. Donc là, la théorie, c'était quelque chose qui me fait du mal dans une personne saine pourrait soigner une personne malade. Et c'était peut-être pas si con que ça à l'époque, je sais pas, tu vois, on connaissait pas les bactéries. Plus tard, finalement, parfois les gens ils confondent homéopathie et vaccination, tu vois, parce que le principe peut être semblable quand on ne fait pas attention. C'est-à-dire, effectivement, un virus peut nous rendre malade, mais quand on injecte un virus sous forme atténuée, ça peut nous guérir, tu vois. Donc, on aurait peut-être une forme un peu équivalente dans l'homéopathie pour certaines personnes quand on ne fait pas gaffe, mais ça n'a rien à voir en fait. Puisque là, les ressemblances, elles ne sont pas basées sur un mécanisme du système immunitaire, mais simplement sur ce qu'il a observé sur son corps quand il prenait les produits en question. Et comme il s'est rendu compte aussi, parce que parfois il prenait des produits dangereux, il s'est rendu compte que ça pouvait lui faire du mal, quand on prend de l'arsenic, ça peut tuer. Donc il s'est dit, tiens, je vais diluer. Il a inventé une autre loi. Il s'est dit, tiens, en diluant, ça va permettre d'éliminer les effets négatifs et garder que les effets positifs quand la personne est malade. Donc d'où est né ce phénomène de dilution. Après, il y a une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est très vraisemblable. C'est qu'on dit qu'à l'époque, il se baladait beaucoup en chariot et que quand il se baladait en chariot avec ses produits dilués, il y avait beaucoup de mouvements dans le chariot et ses produits étaient agités. Et donc, il s'est rendu compte que quand ces produits étaient agités, ils étaient plus efficaces. Donc, il a inventé la loi qu'on appelle la loi de succussion, qui fait qu'à chaque fois qu'on dilue, il faut secouer le produit pour qu'il devienne plus puissant. Et donc ça, on retrouve dans toutes les médecines alternatives, si on regarde l'ostéopathie, si on regarde les fleurs de Bach, par exemple. Il y en a plein qui m'échappent, la chiropraxie aussi. C'est toujours, on parle d'un phénomène qui arrivait à quelqu'un et qui l'a théorisé et qui l'a jamais validé expérimentalement derrière. Si je dis pas de bêtises... Les deux premières étapes, c'est souvent le cas en science et en médecine, hein, un truc qui arrivait à quelqu'un, qui l'a théorisé. Après, en effet, il y a la preuve. Mais dans la construction des remèdes, etc., je n'ai pas l'impression que ce soit très différent d'une médecine classique. J'ai l'impression que c'est différent. Parce que si tu veux, depuis 200 ans, par exemple, les homéopathes auraient pu procéder de manière scientifique pour trouver les remèdes. Parce que comment ils font pour trouver les remèdes ? Donc ils prennent un produit dilué et puis ils observent. Donc c'est ce qu'on appelle il y a un livre après derrière qui s'appelle, je crois, les matières médicales. Donc dans ce livre, on trouve à chaque si on a un mal de tête et puis si on a je sais pas des yeux un peu rouges, on va prendre tel produit. Comment ils ont fait pour faire ce livre ? Eh ben ils ont testé plein de produits homéopathiques. Et ils ont des personnes saines ont testé plein de produits homéopathiques et ont signalé tous les symptômes qu'ils avaient encourus pendant le moment où ils prenaient ces produits homéopathiques. Et c'est comme ça qu'on a fait ce livre qui permet de faire des liens entre les produits homéopathiques et les médicaments. Et ben ça, on l'aurait pu faire dans un cadre scientifique, tu vois, dans un cadre rigoureux, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que on peut avoir mal de tête, pas forcément pour le produit qu'on a pris, mais parce qu'on a regardé une émission de télé qui nous a fait mal de tête, j'en sais rien. Donc il y a des problèmes de corrélation causalité qu'on pourrait vérifier en faisant des essais contrôlés pour faire ce livre homéopathique. Et ça, depuis 200 ans, à l'époque de Hahnemann, on ne le savait pas, mais maintenant on le sait, et aucun homéopathe, dans la communauté en tout cas des homéopathes, personne n'a fait cet effort-là. Personne n'a pris les outils scientifiques d'aujourd'hui pour mettre à jour les connaissances de l'homéopathie. Et ça, on retrouve systématiquement dans toutes les médecines alternatives, c'est qu'ils ne remettent pas à jour les connaissances, ou très peu. Je vais intervenir justement là pour dire une petite anecdote, c'est que récemment j'avais trouvé dans certaines copies de mes étudiants une espèce qui s'appelait Apis mellifica, qui est censée être l'abeille à l'heure actuelle. La nomenclature pour cette espèce-là, c'est Apis mellifera. Et les seuls endroits où on trouve justement cette dénomination, Apis mellifica, ce sont encore sur les médicaments homéopathiques qui utilisent des extraits d'abeilles. Donc c'est pour dire à quel point parfois ils peuvent être coincés justement dans une ère assez datée, puisque cette appellation, elle date de Linné, elle a été probablement changée au début du XXe siècle, voire avant. Voilà, petite anecdote phylogénétique. Mais Nima, quand tu parles des homéopathes, il y a quand même des médecins. En France, il y a des médecins qui sont quand même diplômés de médecine et qui sont homéopathes. Oui, et c'est assez contradictoire parce que ils ont bien appris, enfin, ce que c'était une médecine, une thérapie, enfin, je sais pas, ça me semble aberrant. Oui, ça, mais comme je te disais, là, l'émission de la BBC où tu as un médecin qui teste l'acupuncture. La seule manière dont il a cru démontrer l'efficacité de l'acupuncture, c'était en le testant sur lui-même et en testant s'il pouvait monter des escaliers dans un stade. Et ben ça montre que dans la communauté médicale, il y a vraiment un vrai travail à faire pour expliquer comment on évalue l'efficacité d'un traitement. Tu vois, et je pense que tout ça c'est peut-être vu rapidement au détour d'une classe, mais après, quand les médecins sont installés et puis pendant 10-20 ans, il n'y a plus forcément de formation, ils ne sont plus forcément pas tous évidemment, mais certains, pas à jour sur les nouvelles découvertes scientifiques, et que rien ne les pousse non plus à le faire. Rien ne les pousse à comprendre la méthodologie scientifique, à comprendre quels sont les biais cognitifs qui peuvent tromper notre expérience personnelle. Voilà, donc je pense que ça, c'est un véritable problème. Et quand il y a effectivement un médecin qui dit, ou un pharmacien qui dit, ça c'est sûr, c'est super efficace, prenez-le, et que c'est de l'homéopathie, quand on connaît la science derrière, non seulement que c'est pas plausible que ça marche, et qu'en plus, expérimentalement, on ne montre pas d'effet, on se dit qu'il y a un problème. Pour ajouter deux mots, je ne sais pas si tu vas en parler après, donc coupe-moi si tu veux en parler après, mais sur l'ostéopathie, il me semble qu'il y a quelque chose en plus. C'est que les médecines alternatives, de ce que j'ai pu en lire, parce que j'ai lu un début de bouquin pour préparer cette émission, il y a aussi un point commun très souvent, c'est qu'elles annoncent un peu tout soigner. Leur champ d'action est très très vaste, beaucoup plus vaste qu'un médicament classique, quoi. Et ouais. Sur l'ostéopathie, je pense un truc aussi qui noie un peu la chose et qui complexifie la chose et qui fait qu'aussi des médecins peuvent s'y intéresser, c'est qu'il y a des études qui montrent que pour certains très spécifiques cas de problèmes, ça peut avoir un effet. Oui. Et où du coup, c'est pas tout qui est à jeter en bloc, et c'est, de toute façon, c'est souvent en science qu'il n'y a pas tout à jeter en bloc. L'homéopathie et l'acupuncture, c'est un peu à part là-dedans, parce que justement, l'homéopathie, c'est rien, donc pour le coup, c'est un peu à jeter en bloc. Mais il y a d'autres médecines alternatives où c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que des médecins et des scientifiques peuvent s'y intéresser. Enfin, je sais pas si tu voulais en parler, si tu vas me contredire là-dessus. Non, c'est vrai que dans l'ostéopathie, tout n'est peut-être pas à jeter, mais d'ailleurs, quand on regarde l'évolution de la communauté américaine, de la communauté donc ostéopathe américaine, y a vraiment une différence avec celle en France ou même celle en Angleterre. Il y a beaucoup d'études qui montrent que aux États-Unis, l'ostéopathie n'est pas pratiquée de la même manière que en France elle peut l'être ou en Angleterre par exemple. Donc ils se sont beaucoup plus rapprochés de la médecine basée sur les preuves. Ils font beaucoup moins de manipulations un peu bizarroïdes que peuvent faire certains ostéopathes. Et là-dessus, pour être clair, parce qu'en fait, je pense qu'il faut être le moins flou possible dans cette émission, c'est que sur l'ostéopathie, les cas que j'ai lus où ça pouvait avoir éventuellement un effet, mais pas forcément en plus un effet plus important que d'autres médicaments, c'est pour traiter le dos, par exemple. Donc, c'est pas non plus de l'aberrant, c'est pas dire pour les allergies, ça marche. Non, on est en train de manipuler les articulations, ça aide à des articulations. On voit qu'il y a de la logique là-dedans un peu, même si c'était pas dit que ça marche de base, hein, mais c'est... C'est ça que j'ai lu en détail. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que pour l'ostéopathie, même pour l'acupuncture finalement, encore ça se discute beaucoup pour l'acupuncture, mais pour l'ostéopathie, on observe une certaine efficacité pour le mal du dos, surtout en bas du dos. Mais il faut aussi se rappeler que pour l'ostéopathie, c'est très difficile c'est pas possible de faire des études en double aveugle. Donc, quand on fait des tests en ostéopathie, forcément, l'ostéopathe, il est au courant des manipulations qu'il fait. Donc, c'est toujours plus difficile de mettre en évidence l'efficacité par rapport à un placebo, parce qu'on n'a pas un placebo qui est forcément tout à fait ressemblant. Enfin, il peut être ressemblant parce qu'on peut faire des fausses manipulations, mais celui qui manipule sait qu'il fait des fausses manipulations. C'est le même problème, d'ailleurs, en acupuncture. Quand on essaie de mettre en évidence l'efficacité de l'acupuncture, c'est difficile parce qu'il y a... ce double aveugle qui n'est jamais vraiment atteint. Donc, dans le cas de l'acupuncture, on a trouvé quand même des méthodes intéressantes. On a maintenant des outils qui permettent de simuler une aiguille qui s'enfonce dans le corps humain. Donc, vous êtes couché, vous avez un acupuncteur qui vous enfonce des aiguilles et vous ne savez pas si l'aiguille est vraiment enfoncée ou non, mais vous avez l'impression qu'elle est enfoncée quoi qu'il arrive. Donc, c'est des aiguilles en fait qui se rétractent. Comme chez les magiciens, là, vous avez des aiguilles qui se rétractent. Donc, quand on appuie, on a l'impression que ça rentre dans le corps, mais en fait, l'aiguille s'est rétractée et puis ça a juste pincé la peau. Et c'est intéressant parce que quand on fait ces études quand on compare l'acupuncture avec ce qu'on appelle l'acupuncture placebo, entre guillemets, donc une acupuncture, soit on met les aiguilles dans les points énergétiques, dans les points qui sont censés représenter quelque chose, qui signifie quelque chose dans la médecine. Chinoise, si on les met ailleurs ou alors si on ne les rentre même pas, on observe quasiment, c'est aussi efficace. Donc, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que les acupuncteurs, quand on a des études comme ça qui montrent que l'acupuncture, qu'elle soit fausse ou vraie, a une efficacité, ils disent, bah, vous voyez, c'est tellement efficace que même quand on ne met pas les aiguilles au bon endroit ou même quand on ne les enfonce pas, bah, ça marche aussi. Évidemment, les sceptiques disent, bah, non, ça veut dire que enfoncer les aiguilles ou non, ça ne change rien, donc ça veut dire que l'efficacité de l'acupuncture, ce n'est pas les aiguilles, c'est simplement toute la procession, le fait d'être installé, d'être couché, le fait que c'est impressionnant d'avoir des aiguilles dans son corps. Enfin, il y a tout un côté magique autour qui fait que peut-être que l'acupuncture a un effet un peu plus important que d'autres formes de placebo. Nima, juste, oui. Parce que là, c'est assez fin, justement. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le double aveugle ? Oui, donc le double aveugle, c'est simplement ni le patient ni le médecin ne savent quel traitement est donné. Typiquement pour les médicaments, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le médecin va donner une pilule, mais il ne sait pas si cette pilule, c'est le vrai médicament ou du sucre. Et le patient non plus ne sait pas s'il reçoit du sucre ou le vrai médicament. Donc ça, c'est un double aveugle, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre ne savent qu'est-ce qui est donné. Et donc, dans le cas des thérapies manuelles ou dans le cas de l'acupuncture, c'est difficile de créer ce double aveugle parce que l'acupuncteur, s'il ne met pas l'aiguille dans le point énergétique désigné par les règles de l'art, là, il sait qu'il ne met pas au bon endroit. Si l'ostéopathe ne fait pas la bonne manipulation, il sait très bien qu'il ne fait pas la bonne manipulation. Donc, le double aveugle n'est jamais vraiment atteint. Par contre, on peut essayer de faire en simple aveugle, c'est-à-dire que le patient, au moins, lui, ne sait pas s'il a reçu une vraie ostéopathie ou une vraie séance d'acupuncture. Nima, pour rester encore une seconde sur l'homéopathie, on a une question de Karim dans la chatroom qui demande si on connaît le pourcentage de médecins homéopathes et comment il a évolué. Ouais, et si moi je peux ajouter, est-ce qu'on sait dans les différents pays ? Non, je ne sais pas du tout, pardon, je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas où chercher en fait pour avoir ces infos finalement. Peut-être les diplômes Boiron ? Diplôme Boiron, ouais. Faut demander à Alan. D'autant plus, je crois que ça fluctue en plus au cours du temps et des modes et des etc. Enfin, que c'est pas quelque chose de constant, etc. Ouais, justement, c'était la question, comment ça a évolué. Mais je crois que c'est ni croissant ni décroissant, qu'il y a des périodes en fait. Il y a des modes. Ce que j'ai compris. Je pense que c'est plus en France d'ailleurs, parce que Boiron est très important en France, que l'homéopathie est très populaire en France plus que dans d'autres pays. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, là, tout ce qui est phytothérapie est très populaire. Il y a vraiment une espèce de communauté en Allemagne qui utilise beaucoup toutes les médecines basées sur les plantes et ils aiment beaucoup ça, et donc c'est très populaire là-bas. Donc il y a aussi des modes liés aussi à l'histoire du pays. Par exemple, l'ostéopathie crânienne est très utilisée en Angleterre parce que celui qui a inventé l'ostéopathie crânienne... Donc l'ostéopathie crânienne, c'est quelque chose qui n'est pas fondé scientifiquement, encore moins que l'ostéopathie, si j'ose dire. On met ses mains sur le crâne du patient. Et donc les ostéopathes qui opèrent de cette manière prétendent sentir un rythme énergétique qui serait caractéristique du corps humain, du cerveau. Voilà. Et donc ils disent qu'ils peuvent modifier ce rythme en bougeant un peu les os du crâne, très délicatement, et qu'en modifiant ce rythme et qu'en le rendant plus fluide, c'est toujours une question de fluidité, de circulation, c'est des choses qui sont souvent reprises, qui parlent beaucoup au grand public, mais qui n'ont pas de sens scientifiquement, ils disent qu'ils peuvent rétablir la fluctuation de ce fluide, et qu'en rétablissant la fluctuation de ce fluide énergétique, le corps va s'auto-guérir. Et donc ça, c'est très, très utilisé en Angleterre, parce que l'inventeur de cette technique ostéopathique était anglais. En France, par exemple, on va beaucoup trouver des gens qui vont faire de l'ostéopathie qu'on appelle viscérale. Donc là, ils travaillent sur... je connais moins bien, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu sur tout ce qui est viscère. Donc ils prétendent aussi, en bougeant les tissus du corps humain, rétablir, remettre les viscères dans les bons endroits pour que l'énergie passe bien et que du coup, le corps s'auto-guérisse. C'est toujours la même idée, hein, parce que l'acupuncture, on n'en a pas parlé, mais c'est toujours cette idée de « je vais insérer des aiguilles dans le corps humain à des points précis », pas si précis que ça d'ailleurs, mais puisque ça dépend des écoles d'acupuncture, mais à des points précis pour réguler une énergie qui circule dans le corps humain, donc c'est le fameux chi, là, ou qui, je ne sais pas comment dire. Et qu'en régulant la fluidité de cette énergie qui circule dans le corps humain, le corps va s'auto-guérir. Finalement, on trouve beaucoup de points communs dans pas mal de médecines alternatives. cette idée que le corps va s'auto-guérir, cette idée qu'il y a une énergie qui existe, que cette énergie doit être fluide et que doit circuler. L'ostéopathie, la vraie, pas la crânienne, enfin la vraie entre guillemets, pas une vraie, une fausse, mais celle qui est pratiquée couramment, part de l'idée que si les muscles et les nerfs sont, et les os sont placés correctement, et ben le corps va s'auto-guérir. C'est toujours cette même idée. Mais bien sûr qu'il y a des défaillances immunitaires qui font que le corps va se guérir. Mais là, c'est élevé à un rang qui est bien au-delà de ce qui est constaté scientifiquement. Et donc, on prétend pouvoir tout guérir en régulant cette énergie ou ces mécanismes de circulation. Ça devient plus un art qu'une science, finalement. Et c'est pour ça aussi que dans les médecines alternatives, je trouve, je ne sais pas si c'est vrai, mais on parle toujours de « Ah, celui-là, il est meilleur que l'autre » ou « Ah, celui-là, il manipule bien » ou « Celui-là, il a réussi à régler mon problème ». Il y a toujours cette notion de l'artiste, finalement, qui est beaucoup plus présente, je trouve, chez les médecins qui pratiquent les médecines alternatives que les autres. Juste pour répondre rapidement à la question qui était posée tout à l'heure, on a eu un élément de réponse dans la chatroom par Georges McKee. Il y aurait quelques... Je salue, d'ailleurs. Ouais, salut Georges, c'est vrai. Il y aurait quelques 1000 médecins homéopathes en France maintenant. Et puis, il nous envoyait un lien sur le site de l'Institut national homéopathique français. Alors bon, c'est une source qui vaut ce qu'elle vaut. Qui a une page 200 ans d'histoire qui donne quelques chiffres justement sur l'évolution. Et combien il y a de médecins en tout en France, peut-être pour avoir une idée de comparaison du coup? Parce que 1000 médecins homéopathes sur combien du coup? Ouais, c'est une très bonne question. Alors attends, là j'ai l'article sous les yeux qui parle de 1860 qui indiquait qu'il y avait 400 homéopathes sur 15 à 18 000 médecins. Après, il faudrait comparer avec les chiffres d'aujourd'hui. Donc j'imagine qu'aujourd'hui il y a au moins 20 000 médecins. Ouais. Ouais, c'est vachement intéressant. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que relativement, l'essor de l'homéopathie aurait plutôt diminué, en fait, au cours du siècle. Il faudrait regarder. Mais ça paraît surprenant, parce que je connais beaucoup de gens qui vont voir des médecins homéopathes, mais peut-être c'est juste un biais de sélection. Très bien. Je ne sais pas. Alors, je sais que tu voulais faire un peu court. Je crois que c'est foutu. Hein. Ouais. C'est trop passionnant, je pense. Puis t'as plein de questions qui arrivent de la chatroom, etc. Tu veux faire un point rapide, donc je pense homéopathie, peut-être même acupuncture, on en a bien discuté. La phytothérapie, peut-être l'acupuncture, tu veux ajouter quelque chose? L'acupuncture, est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est pas mal de regarder l'historique un peu de ces médecines alternatives. Donc, pour l'acupuncture, finalement, on se rend compte que c'est assez proche de... En tout cas, historiquement, c'était assez proche des saignées. La saignée se faisait plutôt dans le monde occidental, et l'acupuncture plutôt dans le monde oriental. Mais c'est assez proche de la saignée parce que on s'est rendu compte que les cartes du corps humain où on faisait les saignées correspondent assez bien au point énergétique de l'acupuncture. Et il y a des textes même qui montrent que l'acupuncture, à la base, il parlait le chi et puis les méridiens, bah c'était aussi lié à la notion du sang et pour eux c'était le chi était contenu dans le sang. Donc c'était assez proche et ça je trouve ça intéressant parce que ça montre que tout ça a évolué et que à la base c'était une approche comme une autre du corps humain et qu'on essayait de faire avec les moyens qu'on avait à l'époque. Et qu'au bout d'un moment, la technologie ayant évolué, la science ayant évolué, on a compris comment marchait le corps humain, compris comment marchait la circulation du sang. Et ces médecines-là, du coup, n'ont pas évolué. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur l'acupuncture... Il y a pas mal de méta-analyses qui montrent qu'il y a une certaine efficacité de l'acupuncture. Et donc, les acupuncteurs, souvent, ils se réfèrent à ces méta-analyses. Mais en général, ce qu'on constate, c'est que, donc, comme je l'ai dit, ça ne fait pas mieux que quand on place les aiguilles n'importe où ou alors quand on ne rentre même pas les aiguilles. Et que c'est finalement, l'acupuncture, c'est une forme... Parce qu'il y avait une question comme ça qu'on avait lancée avant que ça commence. C'était, est-ce qu'il y a un placebo qui est plus efficace qu'un autre? Eh bien, le phénomène d'effet placebo, on n'a pas trop parlé, mais dans le cas de l'acupuncture, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on se rend compte que l'acupuncture est peut-être une forme de placebo qui est bien plus efficace que d'autres placebos. Pourquoi on se rend compte de ça? Déjà, on peut noter des petites choses rigolotes, c'est-à-dire que quand on, sur l'effet placebo, quand on donne deux pilules de sucre, bah, c'est plus efficace qu'une pilule de sucre. C'est-à-dire si on fait un essai en double aveugle, on a un groupe de personnes qui prend deux pilules de sucre et un groupe de personnes par jour ou par heure, ou je ne sais pas, non, peut-être pas par heure, mais et on prend un groupe de personnes qui prend juste une pilule de sucre, donc un placebo, et ben on se rend compte que le groupe qui prend deux pilules de sucre va un peu mieux. En général, il y a un peu plus de personnes qui vont mieux que ceux qui prennent qu'une seule pilule de sucre. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que deux pilules de sucre est une thérapie efficace? Non, ça veut dire que l'effet placebo est un peu plus important. Et c'est pareil, par exemple, on peut montrer que quand on injecte quelque chose avec une seringue, comme antidouleur, ça va être plus efficace que si on donne une pilule de sucre. Et donc, le phénomène d'injecter, même s'il n'y a rien dedans, même s'il n'y a que de l'eau, bah, ça va avoir un effet sur le cerveau plus important et ça va enlever notre douleur de manière plus importante que si on donnait simplement une pilule de sucre. Alors, ça ne veut bien sûr pas dire qu'injecter de l'eau dans le corps humain, c'est un antidouleur. Non, ça veut dire que l'effet placebo est supérieur à celui qu'on observe avec une pilule de sucre. Et ben aujourd'hui, c'est la conclusion sur laquelle les chercheurs arrivent, c'est-à-dire que l'acupuncture serait une forme tellement théâtralisée avec ces aiguilles qui se pointent sur nous, avec cet échange qui dure très longtemps, avec le fait qu'on est installé dans un lit pendant longtemps, donc c'est reposant. Et puis, il y a aussi quelques mécanismes qui sont vraisemblables pour expliquer que l'acupuncture aurait un effet placebo au-delà des autres placebos qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça reste un effet placebo, c'est-à-dire ça reste un effet faible, même si il existe un peu, ça reste un effet faible. Ouais, oui. C'est hyper intéressant ce que tu dis là sur le placebo, parce que ça explique pas mal de choses, en fait, de ce que je comprends. C'est-à-dire que quand on va utiliser une médecine alternative, qu'on a quelque chose qui ne va pas et qu'on en ressort et que ça va mieux, même si c'est du placebo, on va en effet, c'était l'introduction de ton dossier, l'associer à cette médecine alternative. Donc, ce qui peut déjà expliquer le fait qu'on ait l'impression que ça marche à des moments. Oui. Et ensuite, c'est le deuxième truc que je me permets de faire un résumé de ce que tu as raconté. Hein. C'est que, du coup, ça permet aussi de se rendre compte que dire que l'homéopathie ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'effet sur le symptôme. Oui, oui. C'est ça, je crois que c'est important de le dire. Quand on dit ça ne marche pas, ça veut dire toujours que ça ne marche pas au-delà de l'effet placebo, qui existe, qui est là, qui peut être parfois un peu plus important que d'autres. Mais... Donc, c'est toujours par rapport à une référence quand on dit ça ne marche pas. Et généralement, quand on dit ça marche, c'est aussi par rapport à une référence. On passe à la phytothérapie ? Oui, alors je vais faire court pour la phytothérapie. Il faut juste rappeler aux gens que la phytothérapie est quand même basée sur l'idée que tout ce qui est naturel est bon pour la santé, ce qui n'est pas vrai. Les gens le savent, hein. Les gens savent que, bien sûr, il y a des choses qui sont naturelles qui ne sont pas bonnes pour la santé, le tabac, l'amiante, les cyanures, enfin, ça, ils le savent. Mais quand même, il y a quelque chose de très fort sur cet appel à la nature. Il y a quelque chose de très fort sur... C'est pas tant le fait, je pense, hein, moi, comment les gens réfléchissent, c'est pas tant le fait que la nature c'est bon que... L'idée facile de se dire tout ce qui est industriel, la pollution, les produits chimiques, qu'on a l'impression que ça va nous tuer parce qu'il y a des produits chimiques effectivement qui sont dangereux. Donc c'est cette espèce de dichotomie, revenir à la nature, qui est très forte aujourd'hui, je pense, favorise beaucoup l'essor de la phytothérapie. Ça ne veut pas dire que la phytothérapie ne marche pas, puisque évidemment, il y a plein de médicaments qui sont issus de la phytothérapie. On va dire, hein. La phytothérapie, c'est voilà, des plantes pour soigner, en fait, hein, pour faire simple. Donc, je ne sais pas, par exemple, l'exemple de l'aspirine est un exemple classique. C'est d'abord une plante, et puis on a extrait de cette plante la molécule qui permettait de créer l'aspirine. Et donc, c'est devenu l'aspirine après. Mais c'est parti de la plante au départ. Donc, il y a plein de médicaments aujourd'hui qui sont partis des plantes à la base et qui sont devenus des médicaments aujourd'hui. Il y a deux choses, je voulais dire deux choses sur la phytothérapie. C'est parfois, donc l'exemple de l'aspirine est bien choisi, c'est que parfois les plantes sont dangereuses. Donc, dans le cas de l'aspirine, je ne sais plus quelle plante est à la base de l'aspirine, mais ça se retrouve facilement, je vais le noter quelque part. Mais, la plante en question est aussi un poison pour le corps humain. C'est-à-dire le quoi tu dis ? Le saule. Le sol, voilà. Ça doit être ça. L'acide salicylique, donc c'est le sol. Ouais. Donc, dans le sol, il y a des produits qui sont aussi toxiques pour le corps humain. Donc, on a réussi à extraire ce qui n'était pas toxique dans cette plante et qui nous faisait du bien, l'acide salicylique. Savoir que, justement, en plus, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien aux chenilles qui mangent le sol. L'acide salicylique, c'est une production pour se défendre des parasites, en fait. Oui, ça, c'est intéressant. Donc là, on a on a un truc qui part de la plante et puis on en extrait quelque chose qui enlève tous les effets négatifs et qui garde que l'effet positif. Et ça, je pense que revenir par exemple à manger de la soja au lieu de prendre l'aspirine, bah personne ne ferait ça parce que c'est complètement j'allais dire idiot, mais c'est peut-être pas le terme. Et aujourd'hui, on fait de plus en plus affaire à la phytothérapie de manière un peu irraisonnée, c'est-à-dire parce que c'est des plantes, on va croire que ça va faire quelque chose, alors que soit on a un médicament qui est bien plus efficace, qui enlève tous les côtés des effets négatifs, soit ça arrive parfois. Il y a un exemple d'herbe qui est raconté dans un livre là, qui s'appelle l'herbe de Saint-Jean, je crois, quelque chose comme ça, il faudrait que je vérifie. Je connais le terme en anglais, mais pas le terme en français. Cette herbe, il se trouve qu'il a des effets thérapeutiques, mais on ne peut pas isoler un médicament en particulier. Et dans ce cas-là, quand on ne peut pas isoler une molécule en particulier, et on ne peut pas en faire un médicament en particulier, la phytothérapie a un sens. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de plusieurs molécules qui se retrouvent dans une plante qui permettent d'avoir un effet de soigner. Mais la phytothérapie aussi, il faut faire attention. Hein. C'est quand on prend de la phytothérapie, ça peut aussi... comme il y a des produits actifs, hein, c'est vraiment quelque chose où il y a des produits actifs, ça peut aussi nuire à des médicaments que vous prenez et donc avoir des interactions avec des vrais médicaments qui pourraient poser des problèmes. Par exemple, on pourrait avoir des phytothérapies qui interagissent avec les pilules de contraception et donc qui potentiellement posent un problème pour les gens qui veulent éviter d'avoir un enfant. Je crois que c'est dans le livre de Simon Singh sur l'efficacité des thérapies alternatives, où il y a un exemple de ce type-là, où il y a une phytothérapie qui peut empêcher votre pilule contraceptive de fonctionner correctement. Et ça, les gens le savent peu, qu'il y a en phytothérapie aussi des effets négatifs, qu'il peut y avoir des conflits avec d'autres médicaments qui peuvent être dangereux, et je pense que c'est un message à faire passer. Globalement, même ça, c'est dans le cadre de la généralisation, la plupart des sciences alternatives ont des effets négatifs, plus ou moins visibles, plus ou moins directs, mais on sous-estime souvent les effets négatifs que peuvent avoir, comme toute médication, les médecines alternatives, dites alternatives. Alors oui, il y a deux manières possibles d'avoir ces effets négatifs, c'est intéressant. Il y a, par exemple, l'homéopathie, comme il n'y a rien dedans, on ne peut pas avoir d'effets négatifs directement en prenant de l'homéopathie. Mais l'effet négatif ou l'effet indésirable peut venir si on ne jure que par l'homéopathie et qu'on rejette la médecine officielle. C'est assez rare, mais ça existe parfois. Ou ça peut être aussi indirectement si on fait confiance à notre médecin homéopathe qui nous dit, quand on va dans un pays où il y a des risques d'attraper la malaria par les moustiques, qui nous dit « vous allez vous protéger en prenant de l'homéopathie ». Vous allez vous protéger des moustiques en prenant de l'homéopathie. Là, voilà, vous allez être confronté à un danger parce que vous n'avez pas suivi le traitement officiel ou le traitement qui protège ou qui a été où une efficacité est montrée scientifiquement. Après, par exemple, si on prend l'exemple de la chiropraxie, l'ostéopathie ou l'acupuncture, il y a des effets négatifs, mais c'est vrai que si vous allez voir quelqu'un l'acupuncture en France, c'est que des médecins, les ostéopathes ont une formation, etc. Les risques sont assez faibles, elles existent, mais elles sont assez faibles. On a déjà retrouvé, par exemple, des aiguilles dans les corps des gens cassés, perforés, même on a déjà perforé des poumons quand les aiguilles se sont enfoncées trop loin. Donc ça arrive, il y a déjà eu des morts comme ça. C'est souvent, pour les acupunctures, des aiguilles qui ne sont pas stérilisées, par exemple. Et donc, il y a des cas d'hépatite B, donc ça peut amener des complications quand même désagréables. Ça reste faible, mais souvent, c'est très décrié par la communauté sceptique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours le rapport risque-bénéfice qu'on regarde. Si l'acupuncture n'a quasiment aucun bénéfice, en tout cas au-delà d'un effet placebo, même s'il y a peu de risques, ça devient quelque chose d'embêtant. D'ailleurs, la balance risque-bénéfice va pencher vers le risque. Et du coup, quand on écoute, par exemple, les partisans des médecines alternatives, ils disent « oui, mais vous ne parlez jamais des effets négatifs en médecine ». Ce n'est pas qu'on en parle en médecine officielle, ce n'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'en médecine officielle, la balance risque-bénéfice, il y a des risques, il y a des dégâts, il y a des problèmes, etc. Il faut les dénoncer, il faut faire en sorte que ça s'améliore, etc. Mais c'est largement dépassé par les bénéfices qu'on peut trouver dans la médecine officielle scientifique basée sur les preuves. Je me fais écho de la chatroom qui tique plusieurs fois sur médecine officielle. Quatre fois, en France, tu vas payer cher, là. Donc, médecine basée sur les preuves, on va dire. On remplacera... Il faudra remplacer tout ça au montage. Au montage, on remplacera par médecine basée sur les preuves. Tu voulais nous parler du Reiki aussi ? Je crois que j'en ai parlé un petit peu au début. Donc, on passe ? Oui, ou ce qu'on peut dire, c'est que y a un exemple historique, c'est... je vais pas m'en souvenir. Au 19e siècle, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle... Mesmer, peu connu en France, mais un peu plus connu en Angleterre, parce qu'il y a un mot qui est dérivé, qui s'appelle mesmerism ou mesmerism, je ne sais pas comment on dit exactement en anglais, mais qui veut dire envoûté, charmé. Donc ce terme vient de ce personnage qui s'appelle Mesmer, qui a inventé ce qu'on appelle le magnétisme animal. Et donc, à l'époque, quelqu'un d'assez connu a demandé à des scientifiques de voir si Mesmer avait vraiment des pouvoirs de magnétisme. Et donc, ils ont fait un essai assez facile. Ils ont mis des gens, Mesmer et des gens, et ils ont mis un écran derrière Mesmer et les gens. Et puis, ils ont demandé aux gens s'ils ressentaient une énergie venant de Mesmer. Évidemment, quand on a fait l'exemple comme ça en aveugle, quand on disait aux gens qu'il y avait Mesmer derrière, qu'il leur faisait du magnétisme, ils ressentaient quelque chose. Quand on disait des gens qu'il y avait Mesmer derrière, qu'il faisait du magnétisme, mais qu'il n'était pas là, ils ressentaient aussi quelque chose. Donc là, ça avait un peu clos le débat à l'époque. Il y a un article scientifique qui a été publié aussi sur cette notion, est-ce qu'on peut ressentir l'énergie du corps humain à distance, par une jeune fille, c'est la plus jeune fille qui a publié dans un journal scientifique avec comité de lecture. Et donc c'est assez drôle de regarder cet article, je retrouverai le lien et puis je l'enverrai sur la chatroom. Qui montre aussi qu'on ne peut pas sentir l'énergie humaine, la présence d'un être humain sans le voir, en fait. Comme peuvent prétendre ceux qui font du Reiki. Alors, on a Topo qui nous a précisé qu'il y avait 280 000 médecins en France en 2013. D'accord. Donc, 1000 médecins homéopathes, ça me paraît très, très peu. Ouais, ça me semble faible, mais bon. Mais c'est possible. Tant mieux. Ce qu'il y a aussi, c'est... parce qu'il y a les médecins homéopathes, mais il y a des médecins aussi qui ne sont pas homéopathes, mais qui prescrivent de l'homéopathie. Donc, il faudrait faire la différence aussi. Mm-hmm. Faire un sondage, voir combien de personnes prescrivent de l'homéopathie ou préconisent l'homéopathie. Alors après, on avait une question qu'a posée Topo dans la chatroom. comment répondre aux patients qui ont du mal à trouver des réponses rapidement et claires sur des traitements ? Alors, ouais, je vais peut-être expliquer parce qu'en effet, c'était un peu rapide. Donc, en gros, tout ce genre de débat, ça me fait toujours réfléchir sur la manière dont on doit ouvrir le dialogue, justement, avec des gens qui n'ont pas nécessairement les connaissances requises pour pouvoir évaluer si un traitement est bon ou pas, si la médecine officielle, entre guillemets, est fiable ou non. En l'occurrence, il y a toujours des problèmes avec certains aspects de la médecine, les médicaments qui ne sont pas nécessairement à 100% efficaces, et comment une personne lambda peut arriver à réaliser un crible pour pouvoir comprendre un peu pour pouvoir choisir au mieux son traitement. Écoute, c'est vraiment une excellente question, et je pense qu'on peut y répondre sur deux points. Il y a d'abord... que fait le gouvernement ? Enfin, que peut faire ? C'est un peu le même problème que pour la vaccination, et on avait déjà un peu discuté. C'est-à-dire que si on veut rechercher une information aujourd'hui sur des sites gouvernementaux, sur une thérapie donnée, c'est extrêmement difficile de trouver. Même moi qui connais un peu les sites où il faut aller pour trouver l'information, c'est très très mal fait. Et quand il y a l'information, soit c'est extrêmement simpliste, donc ça va convaincre personne, enfin les gens qui se posent un peu des questions, ça va pas du tout les convaincre parce que c'est tellement simpliste que on dit bon bah d'accord, je vais passer à autre chose. Genre par exemple, si on cherche de l'information sur la vaccination, on va voir oui, la vaccination c'est bien, avec un petit clip, avec un petit gus qui saute de joie. C'est peut-être bien pour des gens qui... pour des collégiens, mais pour des gens qui se posent vraiment une question et qui ont entendu peut-être un discours qui va à l'encontre d'une certaine thérapie, c'est pas suffisant. Donc il y a ce gros problème-là qui n'existe pas dans d'autres pays. Par exemple, quand on regarde sur le site, quand on regarde en Angleterre, le site NHS, donc le site de l'hôpital, enfin du système de santé en Angleterre, il y a 15 sites, c'est extrêmement clair. Il y a des questions très précises avec des réponses très claires, une bibliographie pour les gens qui veulent aller plus loin avec des citations scientifiques. Enfin, tout est là pour permettre de se faire une idée sans ironie ou sans être dédaigneux. Enfin, voilà, c'est très clair, tout est bien fait. On peut trouver les réponses à nos questions, la plupart des questions, de manière très, très simple. Pareil aux États-Unis, en fait. Et ça n'existe pas du tout en France. Donc, il y a déjà ce problème-là. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Après, la deuxième chose, c'est, a priori, on aimerait dire faites confiance aux médecins, sauf que j'ai l'impression, moi, que la communauté médicale, en tout cas, elle n'est pas très au fait, justement, des dernières recherches de comment on évalue l'efficacité d'un traitement, dont on a parlé quand même pas mal ce soir, ni même au courant de ce que sont les médecines alternatives. Moi, quand j'ai vu mon médecin la première fois, quand je lui ai parlé de l'homéopathie, il m'a dit « je crois que ce n'est pas très bien évalué, l'homéopathie », alors qu'il y a eu des centaines et des centaines d'études sur l'homéopathie depuis 100 ans. Il y a des méta-analyses, enfin voilà. C'est quand même une thérapie qui a été fortement évaluée. Et donc, on sait quand même, on peut se positionner aujourd'hui. Donc, souvent, ils ne sont pas au courant ou ils ne s'intéressent pas. Donc, ça, c'est le deuxième problème, c'est que les gens auxquels on pourrait se référer, ils ne sont pas forcément au courant de la chose. Ça fait deux gros problèmes. Et après, il reste la recherche tout seul sur Internet. Mais la recherche tout seul sur Internet, avec tous les risques qu'il y a, quand on ne sait pas très bien où il faut chercher, quand on ne sait pas très bien, quand on n'est pas très au fait de ce qu'on appelle les biais de confirmation, ou quand on n'a pas lu, par exemple, des sociologues comme Gérald Bronner, qui explique très bien comment Internet peut nous... informés de façon complètement erronée, ça devient difficile de naviguer. Donc, si vous voulez aller sur Internet, moi, je conseille toujours aux gens de commencer par Wikipédia. Si vous avez les capacités, commencez par Wikipédia anglais, ce sera toujours beaucoup mieux que le Wikipédia français, surtout sur les sujets de type médecine alternative. Alors là, vous verrez vraiment, il y a une différence entre traitement de ce qu'il y a en anglais et de ce qu'il y a en français. Pourquoi il y a une différence ? Parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de personnes qui vérifient ce qui est écrit en anglais, parce que la communauté anglophone est beaucoup plus grande, que ceux qui vérifient ce qui est écrit en français. Donc généralement, vous allez avoir des choses plus fiables en anglais ou plus décisives en anglais qu'en français. Mais enfin, si vous n'arrivez pas avec l'anglais, vous commencez par Wikipédia français, et ça vous donne déjà une bonne idée de ce qui est efficace, de ce qui n'est pas efficace, et de ce qu'il faut faire, auquel on peut faire confiance ou non. Donc oui, plutôt chercher des sites où il y a une validation collective. Dans Wikipédia, il y a une validation collective. Dans les sites gouvernementaux, il y a une validation collective. Généralement, c'est l'Académie de médecine, c'est des rapports qui sont écrits de manière collective. Donc, il y a une bibliographie de tout ce qui a été fait dans la littérature scientifique. Donc, voilà, il faut privilégier ces sites-là. Si on veut rechercher l'information par soi-même. On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans Podcast Science, et Wikipédia, comme dans d'autres sources anglaises là, dont tu as parlé, l'intérêt, c'est qu'il y a aussi les références. Et donc, pas hésiter, surtout quand il y a des choses qui nous étonnent ou sur lesquelles on questionne, à aller voir les références. Si on n'a pas le niveau de les lire, au moins se renseigner. C'est tout con, hein. Il y a un journal, le chercher sur Google, voir ce journal, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un journal anecdotique des fervents de l'homéopathie, ou est-ce que c'est un journal qui existe depuis deux siècles et qui est une référence dans le domaine ? Quel est le titre de l'article, etc. Est-ce qu'il est... Il y a Google Scholar, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui permet de savoir s'il est cité plusieurs fois ou si c'est un article qui n'est jamais cité. Enfin... Alors, à savoir quand même que, justement, pour le cas de l'homéopathie, on se trouve face au problème de l'argument d'autorité, notamment parce qu'il y a plusieurs articles qui proviennent de journaux scientifiques. Je n'ai même pas besoin de mettre des guillemets, puisqu'ils sont référencés, etc., qui s'appellent, par exemple, « Homéopathie », et qui peuvent, d'une certaine manière, flouer le lecteur lambda à penser qu'il y a des recherches qui sont réalisées. Il y a des recherches qui sont réalisées, qui essaient de voir quelles sont les traces de particules qui restent après la dynamisation, etc. Moi, j'ai déjà été confronté avec certains de mes collègues qui travaillent dans des laboratoires et qui pense que l'homéopathie, ça marche. Il y a des cours d'homéopathie qui sont donnés. Et donc, on se trouve finalement avec un discours où on a l'impression qu'on va être très, très clair et que la plupart des gens vont pouvoir clarifier très, très rapidement leur avis sur l'homéopathie. Et ce n'est vraiment pas le cas. C'est pour ça que je pense que la question mérite d'être posée et de se demander vraiment comment, de manière efficace, peut-être par inception, donner le doute à ces personnes-là. Et ce n'est pas si facile que ça en a l'air, parce que justement, il y a énormément de données contradictoires. Bah, d'où l'intérêt de s'appuyer sur les méta-analyses et les revues systématisées. Donc c'est ce qu'ils font dans Wikipédia. Quand on va voir sur la page homéopathie en anglais, généralement, quand ils disent l'homéopathie n'a pas démontré une efficacité au-delà du placebo, ils donnent 15 références qui sont des références de méta-analyse. Beaucoup plus qu'en France, d'ailleurs, je trouve, au niveau des références. Voilà, donc c'est pour ça que je conseille vraiment de démarrer par là, en tout cas, si vous voulez chercher vous-même l'information, évidemment. Et un autre élément important aussi, parce que les scientifiques ont tendance à être très, surtout en France, à être très calmes, à ne surtout pas être très dans un sens ou très dans un autre. Il y a une autre chose assez claire avec j'ai envie de dire toutes les médecines alternatives, et je laisserai Nima me contredire si ce n'est pas le cas, c'est qu'aujourd'hui, si on en parle de médecine alternative, c'est qu'aucune de ces médecines, de ces thérapies, n'a été prouvée être le meilleur traitement pour un problème. C'est-à-dire que là, les débats qui se font à savoir si c'est mieux que le placebo ou quoi, c'est savoir si c'est un peu mieux, si ça va mieux. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun des cas où ce serait la meilleure alternative, le meilleur traitement, quoi. C'est vraiment dire, oui, bon, ça ne sert pas à rien. Mais on en est très loin de dire c'est le meilleur traitement ou c'est un remède le plus efficace pour tel problème, même très spécifique. Je ne sais pas, le grattement de nez derrière. Enfin, voilà. C'est. Ça aussi, c'est que. Si c'est compliqué à trouver, d'avoir des informations, etc., c'est aussi parce qu'il n'y a pas de résultat aussi flagrant, quelle que soit la médecine alternative considérée. Oui, il y a un phénomène qui est très, très intéressant sur intéressant, c'est peut-être pas le terme, mais caractéristique en tout cas pour les médecines alternatives, c'est que généralement on se rend compte que plus la méthodologie est rigoureuse, donc scientifiquement en tout cas, moins l'effet est important. Donc ça s'observe très bien sur l'acupuncture, ça s'observe très bien sur l'homéopathie. C'est plus l'expérience est bien menée, bien faite, suivant les critères qui sont dégagés par les comités scientifiques, et moins l'effet est grand. Et ça on l'observe que dans les médecines alternatives. Ça, c'est un bon critère pour savoir si on va vers quelque chose qui va montrer une efficacité ou non. Alan, tu avais une checklist info intox pour Nima ? Ouais. À laquelle tu as le droit de répondre super rapidement par oui ou par non. On avait une question... Ou par je ne sais pas, parce qu'on est aussi dans un podcast, on n'est pas dans une émission de télé, donc tu as le droit de dire que tu ne sais pas. J'essaie juste de dire que tu n'es pas obligé de prendre une heure par réponse. On a une question de Gépif dans la chatroom qui demande si on compte la psychanalyse dans les médecines alternatives. Ouais, je suis passé une question un peu vache. Ouais. Je ne sais pas s'il se présente comme une médecine alternative. Voilà, il se présente quand même comme une thérapie. Après, on rentre dans le champ de la psychologie. Et je ne sais pas comment il se présente. En tout cas, les gens, quand ils sont malades, quand on parle de maladie, ils vont pas aller voir un psychanalyste. Ils vont aller voir un médecin. Donc, je pense qu'on c'est un peu en dehors. Par contre, si on met dans maladie tout ce qui est troubles mentaux, désespoir et ces formes-là, alors oui, on peut les mettre dans la médecine alternative parce que effectivement, il n'y a pas pour l'instant, la psychanalyse n'a pas démontré une efficacité sur les choses qu'elle prétend soigner. Okay. Scientifiquement en tout cas, mais elle est très peu évaluée parce qu'ils refusent philosophiquement quasiment d'évaluation. Ça rend difficile la validation scientifique de la psychanalyse. Ok, next, Ayurveda. Alors je connais pas très très bien tout ce que je sais et ce que je peux dire aux gens. C'est méfiez-vous, on a régulièrement montré, bon, au-delà du fait qu'on n'a pas montré une efficacité scientifique, il y a des articles qui le montrent, mais on a surtout montré que ça pouvait être dangereux parce qu'il y a dans les produits ayurvédiques, on a retrouvé beaucoup de métaux lourds dans des produits qui viennent d'Inde, donc des métaux lourds qui peuvent être dangereux. Donc méfiez-vous des produits que vous achetez sur Internet qui proviendraient de ces pays-là. ça peut être dangereux pour vous. Ok. L'iridologie, tu sais ce que c'est? Non, mais c'est pas un truc nettoyer le côlon et tout ça, là, c'est ça? Non, ça c'est pour plus tard. Alors, l'iridologie, ça consiste à poser un diagnostic en regardant la forme de l'iris de l'œil. Ah oui, non, ça je connaissais pas. En bon scientifique, je dirais je sais pas. En mauvais scientifique, je dirais c'est des conneries. Voilà. Tiens, un autre indice sur des médecines alternatives, c'est une anecdote, hein, mais qui vient toujours du même bouquin, c'est que je crois que pour l'homéopathie et aussi pour la chiropraxie, ils ont fait des tests où ils ont vu que pour un même patient, les différents médecins entre guillemets rencontrés n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le diagnostic et sur ce qu'il fallait faire, quoi. Ce qui est un peu problématique quand on essaie de proposer une thérapie, quoi. Ok, allez, on a gardé la suivante pour maintenant. L'irrigation du côlon. Ah oui. Hydrothérapie du côlon. Oui. Je pense que parfois c'est utilisé en médecine, tu vois. J'imagine que pour faire des lavements, enfin, c'est. Après, je pense qu'il y a des gens qui utilisent ça pour soigner tout et n'importe quoi. Mais il me semble qu'à la base, c'est quelque chose de. Pour nettoyer les selles, peut-être avant de faire une opération. Ou... Enfin, j'imagine qu'il y a des cas où ça doit être utilisé pour des bonnes raisons. Ouais. Justement, pour illustrer, moi, je trouve l'aspect intéressant pour voir comment le public peut être confus vis-à-vis de tel ou tel traitement, c'est qu'on parle là, en rigolant, de lavement, etc. Et plus tard, on leur proposera de la transfusion fécale en leur disant oh, si, ça marche et que ça va avoir un effet extrêmement important. Donc, il faut s'imaginer un tout petit peu pour un profane, un néophyte, ce que ça peut ressembler de recevoir ces informations en pleine tête, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le paradoxe apparent qu'il peut y avoir. Ça, écoute, on est tranquille sur Podcast Science parce que on avait traité du transplant fécal. C'est comme ça qu'on l'appelle transplant. Non, de la transplantation. Non, tu dis, j'ai dit transfusion, mais c'est pas ça. Mais c'est bien la transplantation fécale. Ouais. Ouais. En fait, je crois que ça c'est un problème un peu plus complexe, c'est-à-dire. Parfois, les gens ils disent, mais votre science, c'est sympa, mais moi, je m'en fiche de ce que dit la science. Moi, j'essaye, j'essaye cette thérapie, je me sens bien, et puis c'est tout. Enfin, je vous emmerde, vous avez qu'à dire ce que vous voulez. Moi, ce que je vis, c'est important. Pardon pour les gros mots. Ce que je vis, c'est ce que je ressens et c'est ce que je veux faire. C'est très bien, les gens ont le choix, mais ils peuvent effectivement utiliser n'importe quelle thérapie qu'ils veulent. Mais quand même, l'outil scientifique est important pour nous, pour savoir quelque chose, pour se rapprocher d'une certaine vérité quant à l'efficacité d'une thérapie. Et là, l'exemple d'insertion des matières fécales, bah, je trouve que c'est pas mal comme truc, c'est-à-dire que si on prend pas la science comme outil pour valider une thérapie, quel outil on a finalement? Pourquoi on validerait pas l'insertion fécale? Pourquoi on validerait pas, par exemple, je sais pas, le vaudou, les gens qui font du vaudou? Pourquoi on, dans les hôpitaux, on ferait pas, on découperait pas, on ferait pas des comment ça s'appelle, de la sorcellerie, tu vois, dans certaines parties de l'hôpital? Parce que ça choquerait moralement, je sais pas, enfin, quels critères on utiliserait? Ça devient plus compliqué. Je pense que voilà, le critère scientifique se justifie de ce point de vue-là, en fait. Pourquoi utiliser la science pour démontrer une certaine efficacité? Bah, parce que c'est le meilleur outil qu'on a aujourd'hui pour évaluer cette efficacité. Et si on n'a pas ce critère-là, bah, ça laisse la porte ouverte à n'importe quelle théorie, n'importe quelle thérapie, n'importe quel début sensé au plus délirant. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me sens tranquille pour passer en revue cette liste, même de manière un petit peu ironique. La transplantation fécale est aussi hyper intéressante pour voir que même des idées bizarres peuvent être vraiment prises en compte par les scientifiques s'il y a des résultats qui sont observés. Exactement. Pour ton information, Nima, sur la transplantation fécale, il y a des résultats. Donc il y a des papiers à comité de lecture. C'est une technique assez prometteuse dans certains cas, ce qui n'est bien entendu pas du tout le cas de l'irrigation du côlon qui est prônée par certains, je ne sais même pas comment dire, thérapeutes alternatifs pour nettoyer des toxines, purifier le corps ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Rapidement, la kinésiologie. Bon, je connais pas. D'accord. Il y a plusieurs trucs de kinésiologie, non? Parce que kinésiologie, c'est juste, c'est pas les mouvements du corps humain, non? C'est pas ça? Oui, en anglais, il y a deux types de kinésiologie, dont l'une a fait ses preuves et l'autre pas. C'est vrai. En français, quand on parle de kinésiologie, en général, c'est une des deux, et c'est celle qui est pseudo-scientifique. D'accord. D'accord. C'est là qu'on fait réagir ton corps, genre on te fout des antibiotiques dans la main et puis on appuie sur ton épaule pour voir si ta main résiste. C'est comme ça qu'on sait si l'antibiotique qu'on te prescrit est le bon ou pas. D'accord. Voilà. J'ai assisté à ce rituel chez un médecin. C'est un peu effrayant. Sinon, la médecine traditionnelle chinoise, genre le qi, les méridiens, tout ça, un fond, un tox. Oui, un tox, en fait, c'est assez proche de l'acupuncture, hein. L'idée de base avec les méridiens, avec l'énergie qui circule. On n'a jamais pu mettre en évidence cette énergie malgré l'augmentation des... Enfin, malgré les nouveaux outils qu'on a à disposition, qu'on n'avait pas à l'époque. Et en plus, comme je l'ai dit, finalement... non seulement le mécanisme n'a pas été démontré scientifiquement, mais en plus, les effets ne sont pas là. Et en plus, ce n'est pas dit que ce soit chinois. En plus, ce n'est pas dit que ce soit chinois. C'est-à-dire que l'acupuncture, je crois qu'on a trouvé des traces d'acupuncture très très vieille, qu'on croit être de l'acupuncture en Europe. Et ouais, du coup, ouais. Ça laisserait croire que en fait, l'acupuncture vient à la base d'Europe et ne serait pas du tout d'origine chinoise à la base, quoi. Oui, et puis comme je t'ai dit, c'est assez proche, finalement, il y a beaucoup de textes qui montrent des liens avec la saignée. Donc il est fort possible que tout ça, c'est parti des mêmes idées, et puis ça c'est un petit peu comme un arbre, il y a eu des branches qui sont parties d'un côté et de l'autre, et on a eu d'un côté la saignée et de l'autre l'acupuncture. Comme l'arbre de l'évolution, c'est ça? C'est juste pour faire réagir. L'évolution, c'est pas vraiment un arbre, mais... Je sais, c'était pour faire réagir. D'accord. C'est la fausse image qu'on a d'évolution, mais c'est pas un arbre, c'est plutôt des buissons, si j'ai bien compris. Exactement. La naturopathie, un faux ou un tox? Ben, je crois que il est assez tard là, on peut se lâcher un peu. Hein. La naturopathie, c'est ce qu'il y a de pire, je crois, dans les médecines alternatives. C'est-à-dire, c'est un condensé de toutes les médecines alternatives. C'est les naturopathes. Ils n'ont jamais d'éducation scientifique, contrairement, par exemple, à ceux qui font médecine, puis qui font homéopathe, ou acupuncteur, ou alors même les ostéopathes qui suivent quand même un cursus plus ou moins scientifique. Les naturopathes, c'est vraiment... là, on n'est que dans les médecines alternatives. Ils n'ont quasiment aucune connaissance scientifique sur le corps humain, etc. Et ils se basent que sur les médecines alternatives pour soigner les gens. Donc là, ça devient vraiment quasiment un dogme. C'est un dogme, mais ça peut devenir dangereux. Mais là, je vais en fâcher plus d'un en disant des trucs comme ça. On a l'habitude, il n'y a pas de souci. l'ostéopathie, ça, c'est une question de Gépif dans la chatroom. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce qu'il doit y aller, il va aller se faire soigner, mais il n'a pas envie de trahir la science. Alors, c'est toujours difficile de dire c'est bon ou pas. En tout cas, on sait que certaines choses dans l'ostéopathie sont... pas fondée. Il y a l'ostéopathie crânienne dont je parlais. Ça ne va pas vous aider d'aller voir un ostéopathe qui vous manipule de cette manière-là. Après, il y a très peu d'études en ostéopathie. C'est d'ailleurs choquant parce qu'il y a de plus en plus d'ostéopathes en France et je trouve que la communauté en France ne fait pas l'effort qu'il faudrait pour faire des expériences puis montrer qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est pas efficace. Donc je sais que pour le mal du dos, on a montré, il y a des preuves assez convaincantes que ça a une certaine efficacité, mais c'est à peu près tout en fait en ostéopathie. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les bébés, sur l'asthme, sur quasiment plein de maladies qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, mais il y a très peu d'études qui sont faites et très peu de preuves pour une efficacité donnée. Ok, on avait une question de Kyoku qui demandait à un moment si l'homéopathie et la phytothérapie sont la même chose. T'as répondu là-dessus, je crois que c'est bon. Après, il demandait si l'homéopathie ne fait pas de l'ombre à la phytothérapie, qui est peut-être, elle, plus testable et plus justifiable. Je ne sais pas s'il y a tant de gens que ça qui confondent homéopathie et phytothérapie. C'est possible. S'ils font de l'ombre, c'est certainement parce que voilà, il y a une présence forte de Boiron donc en France. Et j'imagine que Boiron a quand même voilà, c'est les premiers vendeurs d'homéopathie. Donc c'est un lobby qui est très fort et qui fait que l'homéopathie est très utilisée en France. Je pense que ce serait plus un problème lié à ça qu'un problème autre. Ok. En Suisse, on a quelque chose qui s'appelle le secret. Je ne sais pas si c'est une spécialité locale ou si vous connaissez ça en France aussi. C'est des guérisseurs qui sont pas juste comme des magnétiseurs parce qu'ils peuvent travailler à distance. Genre, ils guérissent par téléphone et puis on dit qu'ils ont le secret. Alors, personne ne sait très bien ce que c'est que ce secret, évidemment. Leurs services sont gratuits. Donc, ils arguent en général quand on essaie de les attaquer du fait qu'ils ne se font pas du tout de fric avec ça. Au contraire, c'est très généreux. On les appelle quand on a une verrue ou une plaie qui ne cicatrise pas et on trouve leur numéro dans les salles d'attente des hôpitaux. J'avais vu un reportage à la télé suisse donc il y a quelques années qui montrait que le service des grands brûlés de l'hôpital universitaire de Lausanne, le CHUV, leur envoyait les cas les plus désespérés. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, hein, le reportage date d'il y a une dizaine d'années. Tu as un avis là-dessus ? C'est ce qu'on appelle, je crois, les rebouteux en France, en fait. C'est un peu le même principe. Donc, ouais. Ou les coupeurs de feu, je crois, particulièrement dans le cas des brûlures. Donc, c'est des gens qui sont généralement, vont faire une prière au téléphone pour vous et prétendent avoir un effet donc, à distance sur vous. J'avais lu des choses chez nos copains de Grenoble. Il y a un laboratoire à Grenoble qui s'appelle le Cortex. Cortex, mené par Richard, mon voisin, qui a fait beaucoup de choses sur les médecines alternatives aussi. Vous trouverez plein d'infos sur leur site, sur les médecines alternatives ou des conférences que Richard a données peuvent aussi se retrouver sur Internet. Vous pouvez les regarder aussi. Et donc, dans une de ces conférences, il expliquait que les rebouteux, en fait... pourquoi on croyait à leur efficacité, c'est surtout un problème de corrélation-causalité, donc on en a un peu parlé au début, c'est-à-dire vous allez appeler le rebouteux, le coupeur de feu, il va vous faire une prière, vous allez aller mieux, vous allez associer le fait que vous allez mieux au coup de téléphone. Mais le raisonnement était plus intéressant que ça. Il disait, généralement quand vous appelez, quand vous êtes brûlé ou vous appelez un coupeur de feu, c'est que votre brûlure n'est pas si importante que ça. Sinon, vous serez déjà à l'hôpital, ou vous êtes à moitié mort, ou vous n'allez pas forcément penser à aller prendre un téléphone. Et des brûlures qui peuvent être très impressionnantes, mais qui ne sont pas très profondes. Et généralement, les brûlures qui ne sont pas très profondes, c'est celles qui font le plus mal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les terminaisons nerveuses ne sont pas complètement cramées. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les brûlures très profondes vont nous faire moins mal que des grosses brûlures, mais pas très profondes. Et donc, il se trouve apparemment, d'après ce que disait Richard, mon voisin, dans cette conférence, que quand on se brûle, de manière peu profonde, la douleur chute au bout de 40-45 minutes, naturellement. Et donc, comme c'est le temps qu'il vous faut pour appeler un rebouteux pour qu'il fasse une prière, et qu'il vous allez forcément faire le lien entre le fait que vous avez appelé et le fait que vous allez mieux. Donc ce serait des phénomènes de ce type-là, des problèmes de biais cognitifs, confond de corrélation et causalité, qui expliqueraient le succès des coupeurs de feu. Je voudrais rebondir juste sur un truc qu'a dit Alan là, sur le secret. Je ne connais pas du tout en France, hein, pour info. Je ne suis pas sûr que ça existe chez nous, donc à part sous le nom de rebuteux, etc. C'est sur le fait que tu disais, ils se défendent en disant on ne prend pas d'argent et donc on ne fait pas ça pour l'argent. C'est peut-être un truc sur lequel Nima n'a pas assez insisté, mais sur plein de sciences alternatives, peut-être que l'homéopathie est un peu à part. Les gens qui la prescrivent, il y en a la plupart qui sont de bonne foi en fait, qui croient sincèrement à l'efficacité de leur science, quoi. Ah oui, tu as tout à fait raison. C'est très rare les gens qui sont des véritables escrocs et qui savent ce qu'ils font n'a aucune efficacité et qui cherchent simplement à escroquer des gens. Ça, c'est très rare. Donc, la plupart des gens sont passionnés. Ils s'auto-trompent en fait. Leur expérience personnelle dans leur cabinet, ils vont avoir des retours positifs de leurs patients qui va confirmer leur croyance dans leur thérapie. Et ils vont oublier le fait que forcément les retours positifs vont arriver parce que les patients sont dans une attente aussi. Donc l'effet je veux plaire, là, c'est le fameux effet dont je parlais au début, qui est un nom que j'ai un peu inventé, mais ça, ça se joue vachement quand on a un cabinet et quand on a une clientèle qui est là. Et donc il y a tous ces phénomènes là il y a d'autres choses, par exemple moi j'ai déjà remarqué des amis ostéopathes qui soignent pour je sais pas un mal de coude. Et puis si vous leur dites ah ben finalement mon coude me fait toujours aussi mal, et puis vous leur dites par contre mon ventre va mieux, eh ben l'ostéopathe va croire qu'il a eu une efficacité sur votre ventre. Voilà, donc il y a des manières de s'auto-convaincre qui sont très faciles, et on peut très facilement se tromper et rester dans une croyance d'une certaine efficacité alors qu'elle n'est pas réelle. Et un exemple qui à mon avis est assez connu, c'est une homéopathe qui un jour a découvert une tache qui se forme sur son bras et qui décide de pas faire appel au médecin classique et qui dit je vais utiliser mes médicaments d'homéopathie. Et donc elle fait ça pendant des semaines voire des mois, et jusqu'à finalement aller vraiment très mal et donc aller voir les médecins plus traditionnels, et ils ont découvert qu'elle avait un cancer de la peau, quoi, et que l'homéopathie l'a pas vraiment aidée, qu'elle aurait été découvert plus tôt, ça aurait été mieux, quoi. Mais ça montre un peu la sincérité qu'elle, en tout cas, avait, quoi. Alors, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais il y a aussi l'aspect de l'accompagnement du médecin, qui est l'homéopathe, l'acupuncteur, etc., qui pourrait avoir un effet bénéfique et renforcer, d'une certaine manière, l'impression que les patients vont véritablement avoir un traitement là-bas et non pas chez leur médecin classique. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, un problème dans la médecine classique qui n'accompagne pas assez leurs patients et qui devrait le faire pour pouvoir avoir justement peut-être un effet de bénéfice en plus? Si, c'est très vrai. Et je crois qu'il y a un dessin du pharmacien qui le résume assez bien. Exactement, je suis en train de le chercher activement. Ouais. Et effectivement, le fait que la médecine officielle n'a soit prise par des contraintes économiques, soit pour d'autres raisons, ne prend pas assez de temps pour discuter avec le patient, pour montrer aussi de l'empathie, montrer aussi une attention particulière, qui sont plein de petites choses qui contribuent à cet effet placebo, à faire aussi permettre au patient de se sentir mieux. Et donc ça, effectivement, mais je pense que les médecins commencent à s'en rendre compte. C'est vrai que c'est un créneau très utilisé dans les médecines alternatives, mais j'ai l'impression que dans la communauté médicale, on se rend compte que voilà, c'est important. La relation au patient est quelque chose à garder, à insister. Je ne trouve pas le bon terme. Ok. Alors, on a eu pas mal de questions qui allaient dans ce sens dans la chatroom. J'ai essayé de résumer. Mais en fait, si ces médecines dites alternatives permettent aux gens de se sentir mieux, donc même si ça ne soigne pas, même si c'est juste de l'effet placebo, est-ce qu'on peut y trouver une justification? Est-ce que c'est mal? Enfin, quel est ton analyse là-dessus? Personnellement, je pense que c'est une erreur de réfléchir comme ça. Je vais prendre un exemple qui va peut-être paraître un peu étrange, mais il y avait une vidéo sur internet qui montrait que une femme qui marchait dans New York, elle se faisait agresser par des hommes. Et j'ai l'impression que cette vidéo est prise comme une preuve pour les gens, comme poil, donc les femmes qui sont dans la rue sont souvent agressées par les hommes. C'est, que ça soit vrai ou non, c'est pas la question, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est finalement ça, c'est vu comme une preuve. Et c'est ça le problème, en fait, quand on discute avec les médecines alternatives, c'est que le témoignage ou l'expérience personnelle va être vue comme une preuve, ou même dans le documentaire, on va mettre ça en scène comme une preuve. Alors qu'il faudrait expliquer la méthodologie, il faudrait expliquer comment, scientifiquement, on arrive à mettre en évidence qu'il y a une efficacité ou non, ou que les femmes sont agressées dans la rue ou non. Quel protocole on aurait pu mettre en place pour montrer que cette femme se fait agresser, ou que les femmes, généralement, se font agresser? Je crois que le problème, il est là quand on dit c'est un placebo, c'est pas grave, ça peut pas faire de mal. Bah, on oublie qu'en fait, on ouvre la porte à plein de choses. On favorise pas l'émancipation, en tout cas, ou la connaissance dans la société. C'est pas tant le problème que ça va faire du mal aux gens, parce que c'est vrai que la plupart du temps, ça va pas faire de mal. Mais c'est propager une idéologie qui potentiellement peut être dangereuse derrière. Mmh. Oui, non, mais bien c'est ça, c'est ça qui me gêne avec cet argument. De dire une pilule que je donne à de l'homéopathie, je sais que ça marche pas, mais je donne de l'homéopathie à mon enfant et puis quand il a un petit bobo, pourquoi ne pas lui donner du vrai sucre ou ne pas lui donner un bonbon, pourquoi ne pas lui donner un chocolat chaud, pourquoi favoriser une méthode de pensée qui va induire les gens en erreur et qui va permettre aussi de croire à d'autres choses qui sont fausses du coup. Je pense que si on veut favoriser l'effet placebo, eh ben on peut le faire sans toute cette attirail qui est en dehors de la science aujourd'hui. Puis de mensonges quand même. Oui, c'est et ça. De, c'est et de mensonges aussi. Avec Boiron, ouais. C'est une industrie du mensonge. C'est même pas juste. Sur plein de médecines alternatives, on peut imaginer des mensonges ponctuels. Là, on est dans une industrie du mensonge pour l'homéopathie. Ouais. Puis moi, ce que je trouve quand même assez marrant, si on peut appeler ça marrant, c'est que les gens qui ils peuvent être attirés par l'homéopathie. Ils ont souvent la phobie un peu des laboratoires pharmaceutiques. Genre, c'est un gros lobby. Alors que Boiron, c'est un gros lobby au même titre, quoi. Et tu sais, sur... parce que j'ai vu Ariane qui réagissait sur la chatroom, quand je disais « ça peut pas faire de mal ». Mais c'est pas tout à fait ce que je disais, je me suis peut-être mal exprimé. Donc ça peut faire du mal, soit directement, soit indirectement. On en a déjà parlé. Mais c'est surtout le rapport risque-bénéfice. Hein. J'aimerais revenir, parce que... Par exemple, il y a le site là que Ariane a envoyé qui s'appelle What's the Harm, qui récapitule tous les cas qui sont connus de gens qui soit sont morts, soit ont eu des accidents tragiques du fait qu'ils se sont tournés vers les médecines alternatives. En fait, on pourrait faire un site pareil pour les médecines basées sur les preuves. Hein, je fais attention sur la médecine basée sur les preuves. On pourrait faire un site pareil en montrant tous les cas de personnes qui sont mortes par des opérations ou par des médecins qui n'ont pas pu les soigner, etc. Il y en aurait beaucoup plus, évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui se soignent par la médecine scientifique, médecine basée sur les preuves. Mais encore une fois, c'est le rapport risque-bénéfice qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecines alternatives n'apportant quasiment aucun bénéfice pour la plupart, le moindre petit risque, c'est déjà trop. Voilà, je pense qu'il faut insister sur cette idée-là. Ouais, t'as raison. Et bisous. Alors, j'ai une question là, qui m'est arrivée justement en évoquant ce fameux cet accouchement-là qui était traité avec l'homéopathie. C'est quel est ton avis sur l'hypnose ? Alors, l'hypnose, en fait, j'avais fait un article là-dessus. Déjà, donc il faut pas confondre l'hypnose qu'on voit à la télé et puis dans les salles de spectacle, où là on sait que c'est les gens qui ils sont pas du tout, enfin ils sont pas hypnotisés au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc les gens qui sont sur la salle de spectacle et puis qui font qui oublient un mot, qui font le cochon, qui sautent dans tous les sens ou qui se mettent à poil, c'est ils ont décidé de le faire, ils se mettent en scène, ils savent que c'est un spectacle, donc ils écoutent volontairement ce que dit l'hypnotiseur, et même s'ils prétendent après coup qu'ils ont été forcés de faire ou qu'ils ne se souviennent pas, en fait, on a pu mettre en évidence, même assez rapidement, que c'était une mise en scène. Par contre, il y a vraiment un phénomène, il y a vraiment un état hypnotique qui semble exister. On arrive ça à mettre ça en évidence de manière scientifique. Il y a quelque chose, il y a un état hypnotique qui existe, et c'est un peu la même chose quand on conduit en voiture et qu'on rentre sur un trajet connu. Le temps passe très vite, on conduit quasiment sans réfléchir. On arrive à la maison et bah voilà, vous avez ressenti quelque chose de similaire à un état hypnotique, c'est-à-dire vous êtes concentré sur quelque chose de manière très importante et vous oubliez un peu tout le reste. Ça se rapproche un peu de cet état-là. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour de l'hypnose, c'est-à-dire ça peut soigner plein de choses. Finalement, ça soigne très peu de choses. L'hypnose, en tout cas, scientifiquement, on n'arrive pas à mettre en évidence tout ce que les hypnotiseurs peuvent prétendre guérir. Il y a des petites choses où il y a une certaine efficacité, donc par exemple la douleur ou. J'allais te demander en analgésique ou. Voilà, ou effectivement, mais c'est pas non plus fou comme idée, parce que vu qu'on se concentre sur quelque chose de particulier, on va oublier sa douleur. Enfin, ça nous arrive à tous. Hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire finalement. Ça a l'air très, très sensé. Donc, oui, mais effectivement, c'est pas économe, donc ça peut être plutôt sympa. Oui, oui, ça peut être très sympa. Mais si on note l'hypnose de tout ce côté théâtral et qu'on ne voit pas l'hypnose ou l'hypnotiseur comme quelqu'un qui va pouvoir vous faire faire tout ce qu'il veut vous faire faire, alors ça peut être intéressant. Dans un cadre thérapeutique, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, faut libérer l'hypnose de tout le côté folklorique qu'il y a autour. Yes. On a une question de... Je ne sais pas comment il faut dire pour ne pas me faire engueuler. Je ne sais pas si c'est XIV ou 14 ou XIV dans la chatroom, qui demande l'EMDR. C'est croix bâton V. Ah oui, croix bâton V, c'est ça. Tu vois ce que c'est, l'EMDR ? L'EMDR ? Mort de rire ? EMDR, pardon. EMDR, c'est pas les trucs avec les yeux, je sais pas quoi, là ? C'est ça, ouais. Bah, il me semble, je connais pas très bien, il me semble qu'il y a une certaine efficacité, non ? Je sais pas. Ouais, je viens de regarder sur Wikipédia, apparemment il y a quelque chose dans la version anglaise de Wikipédia, mais j'ai pas eu le temps de regarder les sources. Mais ouais, apparemment ça entre pas dans les pseudo-sciences. Ouais, il y aurait des résultats testables. En tout cas, ça fait partie, je crois, de ce qu'on appelle la psychologie cognitive, il me semble, des méthodes utilisées. Mais oui, non, je connais pas très bien, je vais pas me prononcer. Ok. On a encore un petit peu de temps là ou il faut qu'on abrège ? Tu avais dit que tu voulais pas faire une émission trop longue, mais évidemment, on aurait des tonnes de questions à te poser encore. Je crois que c'est foutu là. Vas-y, hein, je t'écoute. Ok. Moi, je voulais te demander de nous dire un mot sur les toxines. Tout le monde veut nous nettoyer de nos toxines. C'est quoi les toxines ? Bon, finalement, on va peut-être arrêter l'émission là. parce que les toxines, je crois qu'il faut aller voir le pharmacien. Il avait fait un très bon sujet là-dessus. Et moi, les toxines, je ne me suis jamais renseigné dessus. Ah, je sais simplement, mais bon, comme je ne me suis jamais renseigné dessus, c'est un peu parler dans le vide, mais je sais simplement que c'est un terme générique qui est utilisé pour faire, qui fait un peu peur aux gens, parce que c'est toxine, généralement, on imagine quelque chose de mal. Mais quelle toxine, où, comment, pourquoi, etc., et comment on les enlève, ça, c'est... c'est généralement tellement flou qu'il n'y a rien derrière. Et c'est même tellement flou qu'il y a eu des appareils en Angleterre, ça fait un peu scandale, où on détoxifiait par les pieds. Donc on posait les pieds dans une bassine d'eau où il y avait des électrodes dedans, et puis un courant qui passait là-dedans. Et puis au bout d'un moment, l'eau devenait totalement noire et dégueulasse. Et donc, l'idée, c'était que les toxines étaient sorties de vos pieds pour salir l'eau. Et donc, il y a une vidéo très rigolote d'un journaliste et médecin qui s'appelle Ben Goldacre, en anglais, qui a écrit aussi des livres qui sont très sympas à lire, où il met une poupée Barbie dans ce détoxificateur. Donc, les pieds de la poupée Barbie trempent dans l'eau. Et au bout de quelques heures, l'eau est complètement noire. C'est évidemment Barbie qui avait perdu toutes ses toxines, donc ça fait rire tout le monde et tout le monde s'est rendu compte que cet appareil, c'était une grosse arnaque. Très bon. J'avais pas vu ça. C'est dans un de ses livres, Ben Goldacre, que t'as... Non, c'est une petite vidéo qu'il avait mise sur son blog. C'est je vais pouvoir retrouver ça. La note de l'émission. ok, bon, ça me semble assez clair. Le biais du pharmacien nous rappelait qu'en fait, nos organes n'ont pas besoin d'aide pour faire leur boulot, quoi. Oui, oui, c'est vrai ça. Oui. Tant qu'on profite du spécialiste, moi j'avais aussi ma petite question sur une médecine alternative que j'ai connue d'à peu près, j'ai pas fréquenté, mais pas loin. C'est les magnétiseurs. Oui. Alors, autant dire que ça m'a paru être du grand n'importe quoi, mais je me demandais si tu avais des choses en plus à dire. Non, mais c'est comme un peu le Reiki, c'est comme le Qigong, par exemple, toutes ces énergies, toutes ces médecines qui sont basées sur une notion énergétique. Généralement, les gens sentent quelque chose, donc du coup, ça les impressionne beaucoup. Ils sentent une chaleur, ils sentent une émotion très forte. Donc, quand ils vont voir un magnétiseur ou quand ils vont voir quelqu'un qui opère de cette manière-là, ils ont une expérience très forte qui fait qu'ils y croient après, qu'ils ont envie d'y retourner, qu'ils ont l'impression d'aller mieux. Mais il se trouve que quand on fait ces expériences-là à l'aveugle, c'est comme un peu les ondes Wi-Fi, par exemple. Quand on dit aux gens qu'il y a des gens électrosensibles, quand on leur dit qu'il y a des ondes Wi-Fi, ils vont se sentir pas bien, qu'il y en ait ou non. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, quand on leur dit qu'il y a un magnétiseur, ils vont sentir une énergie, qu'il y a un magnétiseur ou non. Donc, voilà. Je sais pas si je suis clair, en fait. Je suis clair? Moi, ça m'avait paru être une sorte de psy mieux mise en scène, quoi. Mais enfin, quelqu'un avec qui parler, c'est un peu ce que tu disais, qui faisait le rôle de d'écouter, de d'avoir de la compassion, mais avec une autre mise en scène que le psy classique, quoi. Ouais, mais c'est quand même beaucoup plus barré là, hein, parce que il va, tu vois, tourner ses mains autour de ton corps. Et pour le coup, chez les magnétiseurs guérisseurs, j'ai l'impression qu'il y a on tombe plus facilement sur des charlatans qui vont vous escroquer financièrement. Ah ouais, parce que tu... Méfiance. Ah non, tout à fait, méfiance à mort. Alors, on a une question de Mobidi qui est dans le chatroom et qui demande si la réflexologie, ça t'évoque quelque chose. Bah, c'est à ça que je pensais quand Alan m'a posé la question de... qui commençait par... R aussi, j'ai oublié du coup. L'iridologie ou l'EMDR Non. C'était la kinésiologie, non? Oui, kinésiologie, oui, ça, je pensais à ça. En fait, la réflexologie, il me semble que c'est des gens qui travaillent sur le pied. Et donc, c'est l'idée. Je me gourre pas, c'est bien ça? Que je ne parte pas dans un délire. La réflexologie, bah, je ne sais pas, elle est dans la chatroom. Moi, j'ai c'est, déjà. C'est, des... je crois que c'est les gens ouais, qui. Ouais, c'est ça, c'est le pied, ouais. Ouais. Donc pour eux, voilà, le pied, okay. Tout est connecté au pied, et donc tous les problèmes, toutes les maladies sont liées à des points qui se retrouvent sur vos pieds. Donc c'est toujours cette même idée qu'on trouve, je trouve, qu'on retrouve dans les médecines alternatives, c'est-à-dire quand on va voir l'ensemble des problèmes du corps humain sur un truc donné. Donc là, ça va être les pieds. Les ostéopathes vont remettre le corps humain dans le bon sens pour qu'il s'autorégule. Donc là, on va appuyer sur certains points du pied pour que le corps s'autorégule. L'acupuncture, ça va appuyer sur certains points pour que le corps s'autorégule. Il y a vraiment quelque chose une philosophie qui quand même se retrouve dans toutes ces médecines alternatives, mais qui du coup n'est jamais basée sur la science, sur ce qu'on connaît du corps humain, sur ce qu'on connaît du comment le corps humain s'autorégule justement, qu'est-ce qu'il est capable de faire et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc la réflexologie connaît une certaine popularité, j'ai l'impression, en France. Voilà, il n'y a aucune preuve scientifique derrière pour justifier une efficacité de la réflexologie. Ok, merci. On zappe, là, on saute du coq à l'âne. Est-ce que tu sais s'il existe des initiatives pour protéger le terme « médicament » et éventuellement interdire de faire usage de la mention « médicament » sur des produits qui n'auraient pas fait... la preuve de leur efficacité. Une appellation d'origine contrôlée médicaments, j'adore. De toute façon, je crois que il y a toute une régulation sur les médicaments. De toute façon, il faut que la pub, sauf à part l'homéopathie qui est une exception, tous les médicaments doivent montrer une efficacité au-delà de l'effet placebo. Donc il y a déjà une régulation qui existe. Donc pourquoi l'homéopathie échappe à cette régulation? Ouais, bonne question. D'une part parce qu'ils n'arrivent pas à démontrer que c'est meilleur que le placebo, ça se saurait. Et d'autre part parce qu'il y a eu du lobbying de Boiron qui fait que Boiron ou d'autres d'ailleurs qui fait que voilà, ils ont une clause spéciale homéopathie qui permet de transgresser cette règle. Je suis pas sûr que ce soit que ça parce que je parlais pas de l'autorisation de mise sur le marché, mais juste l'appellation médicament. On trouve des médicaments ayurvédiques, on trouve des médicaments homéopathiques. Enfin, le terme n'a pas l'air d'être protégé, quoi. D'accord. Ok, j'avais pas compris. Ouais. Dans ce cas-là, je sais pas. D'accord. Moi, j'avais encore une question, mais si tu arrives à y répondre rapidement, si on repart sur une heure, c'est peut-être pas une très bonne idée. Je me demandais si tu pouvais nous raconter rapidement l'aventure de Simon Singh, qui a été victime des lois anglaises, enfin de vieilles lois médiévales sur la diffamation, que l'association des Chiro, je sais jamais comment on dit, britannique. Je sais pas, moi je dis Chiro, mais. Chiro, ouais. Chiro. Ah, du j'ai vendu. Simon Singh, donc c'est un journaliste scientifique qui a écrit un article dans les années 90, je crois, je ne sais plus très bien, ou peut-être un peu plus tard que ça en fait, sur la chiropraxie, la chiropratie, je sais même pas comment dire, sur la chiropratie. Chiropraxie. Chiropraxie. Ouais, je sais pas comment on prend. En l'occurrence, je crois que le truc en question, c'est vraiment pour son bouquin, non? Non, c'est un article qu'il a écrit dans le Guardian. C'est pas son bouquin. Il a écrit un article dans le Guardian dans lequel il ridiculise un peu ce que disent les chiropracteurs. Et donc, voilà, et c'est un article un peu satirique. Mais bon, justifié scientifiquement, puisque il a écrit aussi tout un chapitre sur la chiropraxie dans son livre qui a été publié avant cet article dans le Guardian. Mais comme le Guardian, c'est quelque chose qui va avoir un impact dans la société anglaise bien plus forte qu'un livre, l'association des chiropracteurs en Angleterre l'a accusé de diffamation. Et dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros mouvement de soutien de la part de la communauté sceptique anglaise et américaine. Et ils ont contre-attaqué de manière assez rigolote. C'est qu'ils ont regardé tous les sites des chiropracteurs en Angleterre. Et ils ont, à chaque fois qu'il y avait... parce qu'il y a une loi quand même qui interdit aux gens de faire de la publicité mensongère, on va dire, sur des thérapies. Et donc, ils ont relevé toutes les publicités mensongères sur ces sites où les chiropracteurs prétendaient des choses qui ne devaient pas le faire. Et ils ont envoyé tout ça à la régulation, à l'office de régulation en Angleterre pour contre-attaquer. Et du coup, ils ont foutu un peu la merde chez les chiropracteurs. Il y a des sites même qui ont dû se fermer, etc. Donc, c'était assez drôle. Et donc ça a traîné des années et puis il était quand même soutenu par le journal Le Guardian, là. Il était assez bien soutenu, il était soutenu par la communauté sceptique et donc il a fini par gagner parce que scientifiquement tout ce qu'il disait était justifié, mais ça a pris une dizaine d'années et ça a coûté quand même assez cher. Et il a aussi essayé de changer la loi parce qu'il y a une loi qui était la loi en Angleterre était... favoriser en tout cas plutôt ceux qui se sentent diffamés que ceux qui font la diffamation en question. Enfin, on peut facilement vous accuser de diffamer quelqu'un alors que ce n'est pas le cas. Donc la loi a été changée en 2013, je crois. Donc il a plutôt gagné dans tous les sens du terme. Mmh. Voilà, je ne sais pas si c'était assez clair. Ouais, super clair. Je vais faire remonter juste une petite remarque justement parce que c'est vraiment à moi un sujet qui m'intéresse, c'est comment répondre à un public qui est non initié. Donc là, il y a encore Moby Dick qui parle de la réflexologie en disant que voilà, elle discutait avec des amis qui disaient que qui commencent à apprendre quelles sont les parties à masser, etc. Et qui commence à se masser, et notamment qui disait, voilà, tout à l'heure elles en parlaient encore, que quand elles avaient une indigestion, elles avaient une zone précise qui correspond à l'estomac et qui est douloureuse, et donc en massant ça peut marcher. Qu'est-ce que, et donc ces personnes-là le ressentent vraiment, qu'est-ce que toi tu proposerais comme réponse pour quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la barrière et qui a envie de donner rapidement une réponse appropriée à ce genre de public-là? Bah, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. À partir du moment où les gens ont vécu quelque chose, ont fait une expérience et qu'ils l'ont ressenti au plus fort de leur trip, on va dire, c'est très dur de leur expliquer qu'il faut un protocole scientifique, qu'il faut avoir une démarche, prendre du recul pour ce qu'on a ressenti, de savoir si ce qu'on a ressenti c'était vraiment lié à ça, si c'est corrélation-causalité, leur expliquer toute la démarche scientifique qui a amené aux outils qu'on connaît aujourd'hui, les études randomisées en double aveugle, etc. Je crois qu'on est foutu. Je crois que ça, c'est toute une culture qui doit exister depuis tout petit, qui va nous permettre, dans ces discussions-là, d'avoir un impact. Quand les gens voient une vidéo sur Internet, si la vidéo n'explique pas cette démarche scientifique, ils vont adopter cette méthode-là dans leur vie. Quand dans l'éducation, on présente la science comme quelque chose de figé, qui n'évolue pas, et qu'on n'explique pas quels ont été les mécanismes qui ont permis de découvrir cette science, les gens ne peuvent pas comprendre derrière. Le problème de l'expérience personnelle, quand on n'explique pas aux gens, quand ils expérimentent eux-mêmes, pour quelles raisons ils douteraient de ce qu'ils ont ressenti, tu vois. À ce niveau-là, moi, je pense que j'ai peut-être une méthode à proposer, c'est celle de l'empathie. En fait, je dis ça parce que j'écoutais il y a plusieurs années un podcast d'un gars, un sceptique, qui, justement, très, très, très sceptique dans le sens qui évoquait souvent des sujets sur la vaccination, sur l'acupuncture, etc. Mais qui, pour, d'une certaine manière, il introduisait toujours son podcast de la même manière, c'est « j'ai pas envie de perdre tous mes amis et toute ma famille, donc j'essaie de savoir comment leur parler ». Et lui, selon lui, le plus important, c'est de partir de l'empathie et d'essayer de se mettre à la place des gens. Et donc, en guise de réponse, qu'il faudrait éventuellement faire, c'est de dire « ouais, je peux comprendre, c'est vachement dur de savoir discerner les vraies méthodes, des fausses méthodes, comment faire, etc. » et de proposer ces solutions que nous, on met en place pour pouvoir essayer de discerner. Et d'avoir ce genre de dialogue en disant, en se mettant à la place, voilà, c'est un petit peu difficile. Au début, moi, je voulais faire cette méthode et puis je me suis dit que ça ne marchait pas. Ça peut leur permettre, d'une certaine manière, de manière insidieuse, démagogique, mais dans le bon sens du terme, de les introduire dans le monde du scepticisme. Parce qu'il ne faut pas penser que ce soit nécessairement complètement foutu, parce que comme tu le dis, j'ai l'impression que c'est très très pessimiste. Travaillant dans l'enseignement tous les deux, j'imagine que quand même on a envie que ce soit tout de même possible à un moment ou à un autre. Oui, oui, tu as raison. C'est sûr que, en tout cas, l'ironie ou de montrer la science a raison, vous n'avez rien compris à la vie, etc. Enfin, avoir cette attitude-là, c'est sûr que ça ne va pas aider. Si on part justement de leurs problèmes, de leur expérience, et puis qu'on essaie de remonter petit à petit avec eux si on peut, c'est sûr que ça va avoir une efficacité un peu plus grande. Après, juste un dernier mot sur l'éducation. Quand je dis qu'il faut éduquer les gens, ce n'est pas tout à fait simplement éduquer les gens, c'est les éduquer à la méthode scientifique. C'est pas tout à fait pareil, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très éduqués, qui ont fait des très grandes études, qui croient à des choses qui sont complètement pas scientifiques. Et même des scientifiques, d'ailleurs. Donc c'est pas seulement une éducation comme ça, c'est une éducation par l'expérience, justement, par comment découvrir quelque chose sur la nature, comment refaire des petites expériences, et comment on a découvert les lois de la nature, bah ça, il faudrait introduire la méthodologie scientifique de cette manière. Et moi, c'est presque, pour rebondir sur ce que disait Topo, quand j'en discute avec des gens autour de moi et tout, compagnie, je pense que le mot que moi j'évite, c'est scepticisme. Je trouve que ça veut dire quelque chose, ça représente des communautés, etc. Mais pour moi, c'est ce que dit Cham là, ce que dit Nima, c'est Cham, c'est le blog, c'est de la science, c'est pas du scepticisme ou un autre domaine ou quoi, c'est juste de la démarche scientifique. Et qu'il n'y a pas besoin d'y mettre un autre mot qui serait le scepticisme ou qui donne l'impression qu'on est de base, ce que veut dire le mot sceptique, quoi, que de base on n'y croit pas et qu'on a besoin de plus de preuves. Non, c'est juste qu'on a un fait, il se passe quelque chose, maintenant on aimerait savoir si on peut en faire une généralité. Quoi. Et pour moi, je trouve ça dangereux d'y mettre le mot scepticisme et pas juste dire démarche scientifique, point barre. Même si je sais que derrière ce mot-là, quand toi t'en parles ou quand Georges Mackie en parle, c'est ça qu'il y a derrière. Mais pour moi, s'il n'y a pas deux choses à dissocier, c'est juste on y met de la science. Et en particulier, un des éléments que font jamais les médecines alternatives, et puis quand on avait parlé de l'alterscience avec Alexandre Moiti, c'est le scientifique, la première chose qu'il fait avec ses théories, c'est qu'il essaie de les démonter par tous les moyens. Et si vraiment il n'y arrive pas, ça devient une théorie qu'il propose, quoi. Et il y a un autre argument pour lequel on n'a pas vraiment discuté, j'aimerais juste dire un mot dessus, c'est quand on nous dit, quand on a une discussion sur les médecines alternatives et puis qu'on revient à la science, souvent l'argument c'est tu n'as pas l'esprit assez ouvert, ou alors il faut garder l'esprit ouvert. J'adore. En fait, c'est très intéressant parce que justement, avoir l'esprit ouvert, c'est pas ce que pensent les gens, en fait. C'est pas croire à tout et n'importe quoi. Avoir l'esprit ouvert, c'est tout simplement pouvoir changer d'avis suivant les choses que tu découvres et suivant les preuves qu'on t'apporte, finalement. C'est ça la véritable ouverture d'esprit. C'est pas croire en tout et n'importe quoi, et dès qu'il y a quelque chose où on ne sait pas, on va y mettre quelque chose qui n'a aucun sens. C'est simplement être capable de se rendre compte qu'on a fait une erreur, d'être capable de changer, d'être capable de se dire « Ah bah oui, je pensais ça, mais tels et tels éléments font que maintenant je pense autre chose. » Ça, c'est vraiment la véritable ouverture d'esprit qu'il faut prôner. Si je me permets une intervention, j'ai rien dit depuis le début, j'étais très sage. Mais je trouve qu'il y a quelque chose aussi à faire du côté de la perception que les gens ont de la médecine appelons-la, je ne sais plus comment il faut dire, traditionnelle, classique, scientifiquement prouvée, je ne sais quoi. Je pense que les médecins ont aussi une question à se poser, des questions à se poser sur la façon qu'ils ont de pratiquer leur travail. Et je pense qu'il y a, plusieurs mouvements qui vont ensemble, et notamment le fait de faire un procès ou d'engueuler ton médecin quand il n'a pas trouvé ce que tu avais. Je pense qu'il y a les médecins ont des questions à se poser sur pourquoi les gens font ça. Et les gens qui font ça, a priori, ils sont en bonne voie pour aller vers les médecines traditionnelles aussi. Les médecines alternatives aussi, je veux dire. Il y a vraiment aussi comment on perçoit la médecine. Je veux dire, je pense beaucoup de gens qui ne voient pas, et y compris dans la médecine, qui ne voient pas la médecine comme de la démarche scientifique, qui voient la médecine comme un truc, on a un problème, on sait soigner, quoi. Un côté très scientiste. Et qui, je pense, encourage le mouvement vers des médecines autres. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui, je suis d'accord. On l'a évoqué justement sur l'attitude des médecins s'ils avaient un comportement plus empathique, serait plus efficace. C'est même pas tellement empathique, c'est ne pas donner l'impression que la médecine, qu'ils savent tout. Je veux dire, j'en reviens au tout début du dossier, il y a quand même il y a beaucoup de traitements, on ne sait pas spécialement pourquoi ça marche, on a constaté que ça marchait. Si on expliquait ça comme ça, plutôt que de donner l'impression que à tout problème une solution, parce que de toute façon les gars on est trop forts et que la science sait tout et peut tout. Enfin, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image-là de la médecine, y compris certains médecins. Après, je pense qu'il y a aussi cette image aussi qu'ont les médecins, que s'ils n'adoptent pas ce comportement, ils perdent leur statut d'autorité et que potentiellement, j'espère dans le meilleur des cas, ils peuvent penser que ça aurait un effet sur justement les effets placebo entre guillemets. Bien sûr, mais je pense que c'est vraiment une question à poser. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la perception des médecins par eux-mêmes, par le reste du monde, etc. Ça, il y a une vraie question là-dessus. Parce que médecins, ouais, je lis médecin sur deux pour rassurer aussi, ouais, mais je sais pas si ça me rassure moi. Moi non. Moi, un médecin qui sait à chaque fois systématiquement ce que j'ai, bon, en même temps, moi, j'ai jamais rien, mais. Je veux dire, on connaît tous des histoires de gens qui ont eu des problèmes où ils sont passés par 15 médecins et ça n'a jamais marché. Si on a en tête qu'un médecin, ça doit savoir, on est très énervé et on va chercher ailleurs. Mmh. Si on a en tête que ben, les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent des trucs, ils ne savent pas trop, des fois ils savent, des fois ils ne savent pas, ben, on n'est pas énervé. On va dire au médecin, ben, ça n'a pas marché, on ose lui dire et on dit, j'ai l'impression que ça ne marche pas, on en discute avec, on s'y intéresse et on cherche avec lui, à la limite, si c'est vraiment un truc qui est compliqué et qui dure longtemps. Enfin, voilà. Alors, on va peut-être pas lancer un débat. Non, on va pas lancer un débat. Je voulais pas lancer un débat, je voulais juste dire... En tout cas, tu te fais engueuler par Georges, qui demande des sources pour les traitements dont on sait pas comment ils marchent. Ok, je vais pas avoir de sources, mais... non, mais je rigole. Je relance juste ce que dit Georges dans la chatroom, parce que je trouve que ça conclut bien sur le côté faut pas être sûr, faut chercher des sources, tout ça, un peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc. Et sinon, pour terminer sur des médecines alternatives ou prétendues alternatives, bon, on a une dernière question de Mika dans la chatroom qui était un peu perdue, qui ne sait pas la différence entre un chiropracteur et un ostéopathe. J'étais très embêté pour lui répondre, je ne sais pas non plus. Est-ce que tu sais, Nima ? Oui, alors les chiropracteurs, en gros, disent que toutes les maladies viennent de ce qu'ils appellent une subluxation de la colonne vertébrale, donc c'est un concept qui n'est pas très bien défini scientifiquement. Et donc ils disent qu'en manipulant la colonne vertébrale, ils vont rétablir ce qu'il faut pour que vous guérissiez, votre corps s'auto-guérisse. Donc c'est très basé sur cette idée de subluxation qui n'a pas de base scientifique. Les ostéopathes, eux, ont aussi cette notion que le corps va s'auto-guérir, mais ils sont plus basé sur le squelette et les muscles du corps humain. Donc l'ensemble du corps. Donc il faut des manipulations pour rétablir une bonne harmonie dans le corps humain. Mais là, c'est basé sur des données scientifiques ou non plus ? Certaines pratiques se rapprochent beaucoup de ce que font les kinés, par exemple. D'accord. Certains mouvements, certains, pas tous, mais certains trucs se rapprochent beaucoup de ça. Après, il y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de manipulations. dont on ne sait pas vraiment si elles sont efficaces, comme, parce qu'il n'y a pas d'études en fait par rapport à ce que prétendent les ostéopathes. Donc il y a beaucoup de maladies qui sont prétendues être soignées alors qu'on a pas de, d'efficacité démontrée scientifiquement derrière. Ok, merci de la précision. Ok, et puis on va terminer sur, est-ce que tu as des livres à nous recommander sur le sujet? J'ai pensé à des livres. Donc, il y a d'abord un livre qui est peut-être pas très connu de Richard Monvoisin, dont j'ai parlé, de Collectif Cortex, et de Nicolas Pinceau. J'espère que c'est bien Nicolas. Ça s'appelle Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles. J'ai trouvé ce livre vraiment excellent parce que ils parlent tous les deux. Enfin, c'est beaucoup plus large que les thérapies manuelles parce qu'ils abordent vraiment tous les problèmes de la science, de comment savoir si une thérapie est efficace, des biais cognitifs qui peuvent nous tromper, des problèmes aussi dans les publications scientifiques. Donc, il y a vraiment plein de choses super dans ce livre. Mais pour le coup, je n'ai pas appris tout ce que je voulais sur les thérapies manuelles. Donc, j'ai été un peu déçu de ce niveau-là, mais sinon, c'est vraiment un livre super, plus général qu'il n'en a l'air, en tout cas. C'est pas vraiment que sur les médecines manuelles comme on pourrait le penser avec le titre. Donc ça, c'est donc dans mes livres français. Il y a un autre livre qui est aussi peut-être peu connu, surtout dans la communauté sceptique, parce qu'il s'appelle « Histoire parallèle de la médecine » de Thomas Sandoz. Donc c'est un auteur qui est ni pour ni contre, il serait même plutôt pour les médecines parallèles, on va dire, quand on lit le livre. Mais c'est vraiment un travail d'historien. Donc il va vous donner l'ensemble des médecines alternatives au XXe siècle, et c'est incroyable le nombre de médecines qu'il y a eu, on se rend pas compte, enfin le nombre de thérapies en tout cas qu'il y a eu, on se rend pas compte, et toutes plus étranges l'une que l'autre. Et lui, il refait l'historique, et c'est vraiment un livre, quand on le lit, à la fois terrifiant et passionnant de voir comment ces thérapies ont commencé. Donc voilà, ça c'est le deuxième livre. Après, qu'est-ce que j'avais comme livre? J'ai pas mal de livres en anglais. Il y en a un qui s'appelle donc Bad Science de Ben Goldacre, c'est très connu. Ça s'appelle Mauvaise Science. Je crois que ça n'a pas été traduit en français. Donc ça, c'est vraiment très bien, surtout sur l'effet placebo. Il y a tout un chapitre assez génial sur l'effet placebo dans ce livre. Il y a un livre qui s'appelle, j'essaierai de donner les vraies références pour ceux qui veulent trouver les livres. Il y a un livre qui s'appelle Testing Treatments. C'est vraiment une introduction aux essais cliniques, comment elles se font, quels sont les problèmes pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Donc c'est peut-être un peu plus spécialisé, donc peut-être pas grand public, mais pour ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est vraiment super. Et enfin, le dernier livre qui vient d'être traduit en français, c'est Trick or Treatment. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. C'est le livre de Simon Singh et de Edzard Ernst, qui est un chercheur dans les médecines alternatives. Et donc ce livre étudie de manière assez neutre, mais finalement en étant très ferme sur ce que dit la science, donc l'acupuncture, l'homéopathie, la chiropractie et la phytothérapie. Ça a été traduit médecine douce, info ou intox. Voilà, récemment. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Ouais, quand tu dis très objectif, en tout cas, il s'annonce très objectif tout le long du bouquin, mais on les sent un peu agacés quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais je trouve qu'ils font vraiment un effort pour pas dénigrer, oui, pour dire les choses de manière consensuelle. Et puis voilà, ils expliquent lentement. Voilà, on a fait ça, il s'est passé ça. Ils insistent pas mal, entre autres, sur tout ce qui est justement placebo, méthode, enfin tout ce dont sur quoi tu as insisté, placebo et méthode pour mesurer l'efficacité du, etc. quoi. Donc comme il a été traduit en français récemment, je pense que c'est un livre intéressant à regarder. Voilà, mais pour ceux qui s'intéressent vraiment, qui veulent découvrir les méandres des médecines alternatives, Histoire parallèle de la médecine de Thomas Sandoz, c'est assez dense et assez incroyable. Ok, tu as évoqué le sociologue Gerald Bronner à un moment, tu as un livre à recommander aussi? Oui, c'est La démocratie des crédules, c'est son avant-dernier livre, qui explique comment Internet favorise les croyances aujourd'hui. Et... donc, ça permet aussi de se méfier quand on cherche des informations sur Internet, d'avoir un recul, en tout cas, par rapport à cet outil qu'on utilise fréquemment pour faire des recherches. Excellent, merci beaucoup. Bon, mais je crois qu'on va pouvoir se faire une étagère sur l'épisode sur notre page Goodreads, là. Tout à fait. Avec le nombre de références. Très bien, bah merci beaucoup Nima. Et donc merci à vous en tout cas. Pour info, toutes les fois où j'ai parlé, parce que j'ai trop parlé, quand je faisais référence à un bouquin, c'était donc le bouquin de Simon Signe dont tu as parlé Nima là, sur les médecines douces, qui s'appelle Info ou Intox. Voilà. Ok, bon, bah on va enchaîner avec le pitch, Nico. Le pitch. Il est prêt. Mais il n'y a rien d'écrit. Bon, la semaine dernière, en fait, on devait être en vacances et puis il se trouve que la semaine prochaine, on devait être en vacances et il se trouve que la semaine dernière, un certain Pascal qui pédale tout le temps pour la chatroom et même quand il pédale pas, elle fonctionne a priori, ce qui nous a beaucoup étonné ce soir, nous a rappelé qu'on avait lancé un événement annuel l'an dernier, donc qu'il fallait pas le louper cette année, à savoir les Podcast Science Awards. C'est-à-dire qu'on va remettre des prix sur à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, maintenant, il y a un topo qui va participer, a priori. Il y a tous les gens... Enfin, voilà, si vous avez envie de nous envoyer vos awards sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, on va faire un petit bilan de l'année, comme on avait fait l'an dernier, de manière un peu légère, en évoquant sous forme d'awards plein de choses. Donc... J'ai dit que je participais. Ouais, t'as dit que que c'était une bonne idée, que tu voulais envoyer plein d'awards et que t'allais les envoyer d'ici demain 16h. Ah, quoi? je suis pas sûr. C'est quoi tes sources? Bon, enfin voilà. Donc la semaine prochaine, c'est une émission légère. C'est encore plus léger qu'un freestyle. C'est les Podcast Science Awards. Pour l'instant, il n'y a à peu près rien du tout de préparé sur le sujet. Mais bon, voilà. On vous prépare une petite émission juste avant Noël pour le bilan de l'année selon Podcast Science. Attention. Et oui, question d'allégie, vous pouvez nous envoyer des awards. Avec plaisir. Donc un award, c'est un nom, 3-4 propositions et éventuellement un gagnant ou pas à voir. C'est tout. Très bien. Bon. Donc 23 décembre à 20h30. C'est ça. Depuis Toulouse pour moi. Oui. On s'en fout. Hein. Tu peux le dire. Non, tu seras en famille alors. Ouais, c'est ça. Ok, Nima, on t'avait peut-être pas prévenu, mais je sais pas si t'es venu avec une cote ou pas. Si, je l'ai mis dans la doc. Ah, très bien, parce que comme Nico en avait plein, je savais pas si c'était Nico ou toi. Donc vas-y, bah, on t'écoute. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Ah, donc faut que je la retrouve, attends. Je l'ai sous les yeux, tu veux dire. Vas-y, Alan. Alors, ta quote dit « It pays to keep an open mind, but not so open your brain falls out. » Ouais, c'est ça. Traduction, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert, mais attention à ce que votre cerveau ne tombe pas. Par contre, t'es pas trop sûr de l'origine, c'est ça? Non, ouais, c'est suivant les sources, ça change à chaque fois. Donc, quand on n'est pas sûr, on dit Albert Einstein. Donc, c'est une citation d'Albert Einstein. Alors, je suis tombé sur un site, justement, j'investigue en même temps, et donc il y a un site qui s'appelle Quote Investigator, qu'on devrait utiliser à partir de maintenant, et qui dit que c'est une quote qui a été répétée plusieurs fois, et en janvier 1940, dans un papier, c'est le professeur Walter Kochnig qui aurait dit ça devant des étudiants du collège Mount Holyoke. Et on pourrait peut-être faire la meilleure quote d'Albert Einstein comme Podcast Science Award. On enchaîne avec le quiz du mois. Donc, un immense merci à toutes les personnes qui ont participé au quiz du mois. On commence à avoir un nombre de réponses conséquent, ça fait plaisir. Avant de pouvoir diffuser la réponse officielle, on attend tout de même la participation de notre ami Xavier Durussel. Donc, Xavier, pour rappel, le quiz du mois, c'est « Il faut se couvrir pour ne pas attraper froid ». Et pour les autres, vous pouvez aussi nous envoyer vos réponses par mail, Twitter, Facebook, enfin tout ce que vous voulez. Et on promet, votre réponse ne sera pas ignorée et pas coupée au montage. Oui. Xavier, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. On attend Xavier. Tant qu'on n'aura pas de réponse, pas de réponse au quiz du mois. Voilà, c'est de la faute de Xavier Durussel. Xavier Durussel, vous pouvez lui envoyer des messages sur Twitter. Ce n'est pas parce que Julie ne fait pas son travail. les amis, vous avez des plugs ? C'est pas vraiment un plug, mais juste un petit merci en passant à Pouillot qui nous a de nouveau fait des dessins de malades dans la chatroom. Et puis un merci, un gros, gros, gros merci à Georges Mackey qui fait don d'un micro de compète à Topo. Il va lui envoyer ça dans la semaine. Donc, Topo, la condition, c'était que donc, le Père Noël, il faut bien le dire, le Père Noël, c'est totalement bullshit. Mais tu pouvais l'annoncer avant s'il y a des enfants qui nous écoutent là. À 23h19, je crois que ça va. Ah, on va diffuser après en balado-diffusion, je t'en rappelle. Eh ben, tu mettras ça en bonus, tu vois. De toute façon, j'ai fourni dans la chat room. Tu que c'est du bullshit ou pas? Exactement, j'ai fourni dans la chat room. Parce que moi, je connais plusieurs témoins qui peuvent te témoigner que ça existe. Eh bien, dans la chat room, j'ai mis deux vidéos du prof Okita et du prof du docteur Nozman, ainsi que une infographie réalisée par Jay de Strip Science qui nous explique comment justement le Père Noël ne peut pas exister pour délivrer tous les cadeaux. Il y a un truc que je voulais rajouter pendant que j'y pense. Pardon hein, de couper toute cette fin là. C'est que des gens qui font qui guérissent, Reiki, etc., jamais ils ne font en sorte que vous allez plus mal. Juste pour garder ça en tête, c'est quand même étrange finalement. On peut toujours faire en sorte que vous allez mieux, mais jamais parce que finalement ils pourraient jouer sur votre énergie pour que vous allez plus mal. Bon, bah, si, y a jamais de méchant. T'as jamais vu les vaudous? Ouais, y a jamais de méchant. T'es jamais fait. Tu peux faire marabouter de loin, t'as un mauvais sort, etc. Je peux te dire que maintenant, avec tout ce que t'as raconté, va voir un acupuncteur, tu vas voir comment tu vas ressortir. C'est ça. Voilà, voilà. Merci encore. Merci en tout cas. Tu conclus ? Conclusion ? Vous êtes fatigué ? Vous attendez les fêtes de fin d'année avec impatience pour reprendre du poids de la bête ? Nous avons votre solution miracle. Pas besoin d'aiguilles ou d'autres pilules sucrées. Une bonne cure de podcast science à partager avec vos amis. Continuez à nous suivre une fois par semaine et partagez tant que vous pouvez le plaisir d'apprendre quelque chose. Nous ne ferons pas de pub pour un seul laboratoire. Que vous utilisiez SoundCloud, Twitter, Facebook ou iTunes, ce sera parfait. Et que servir la science soit votre joie. Bon, c'est bon, vous êtes content, on n'a pas eu la même conclusion que d'habitude. Ouais, c'est bien pour ça. Hein? Ah, Matane et Julie pour ça. Ouais, c'est bien. T'auras un podcast Science Award pour la conclusion. Oh. Ouais, oui, la plus belle conclusion de l'année. Ça me touche. Parce qu'après, enfin, tous les trucs. Justement, ce qui est les trucs alors. Naturopathie et tout, c'est quand même moins. Populaire, je pense. Alors voilà, l'ostéopathie, ce qui est intéressant, bon, il en parle dans un annexe que j'ai pas encore lu, c'est qu'il a l'air de dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes bases historiques que la chiropractie, sauf qu'ils ont su justement laisser de côté tous les côtés un peu mystiques, quoi. Le côté ça va tout soigner, le côté c'est un peu magique, etc. Et ouais, ça en est devenu juste un truc de on manipule les os et les articulations pour aider la circulation, ce qui est beaucoup moins absurde que de dire il y a un chemin de circulation, etc. quoi. Bah, ça dépend en fait. Aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé, mais en France par exemple, il y a beaucoup encore d'ostéopathes qui opèrent avec des méthodes qui ne sont pas très scientifiques, on va dire. L'ostéopathie crânienne, par exemple. Ouais, bah ça, il en parle, il te dit l'ostéopathie, allez-y, mais pas quand c'est crânien. Et justement, Doctissimo, ce n'est pas une médecine alternative ? Doctissimo ? Quand on a un remède, on peut faire la thérapie Doctissimo, aller se faire diagnostiquer, etc. C'est pas si mal, Doctissimo. Des fois, je suis tombé dessus, ça reste quand même assez... T'es tombé dessus des fois sans qu'on te dise que t'avais un cancer? Oui, c'est ça, oui.